Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier numéro de 2013 de Wessels Radio. Et bonne année quand même, bonne année à tout le monde. Et pour ce premier numéro, on va parler de Awards avec toute ma belle bande de chroniqueurs. Et le premier, c'est Vincent. Salut Vincent, bonne année à toi. Bonne année, Gus. Et j'espère bonne santé pour toi parce qu'en décembre, t'as été pas mal malade. Hein. Pas du tout. Je ne vois pas de quoi tu parles. Salut Tifo, bonne année. Salut tout le monde, bonne année. Même si j'aime pas dire bonne année le 17 janvier, mais bon, bonne année quand même. Oh, t'as choqué, t'as 31 décembre pour dire bonne année, tu sais alors. 31 décembre, oui, bien sûr. 31 janvier pour dire bonne année, excuse-moi, c'est vrai, je me suis trompé. Salut Boosty, et bonne année à toi aussi. Ouais, bonne année 2012 à tous. Ouais. En 2013. 2013, le Boosty. Oui, le mec est volontaire, faut pas s'inquiéter. Qui c'est que je n'ai pas fait? Salut Renaud, bonne année à toi le niçois. Et bonne année tout le monde, salut à tous. Salut Ben, bonne année à toi. Ben n'est pas là, je réponds à sa place, bonne année tout le monde. Ah, Ben n'est pas là, faut que je revienne sur le truc des commentaires. Et MP, salut MP, bonne année. Oui, bonne année à tous. Moi je vous le dis du Canada, donc ça vient de loin en plus. Donc voilà, c'est super, on commence une nouvelle année. Bonne année du Québec. Waouh, l'accent qui tue. Ouais, premier beat de l'année, ouais, c'est vrai. Merci Brusty. J'ai oublié personne parce que je ne vois plus qui c'est qui est sur la conversation. Non, c'est bon, là, tout le monde bon, est là. Non, c'est bon, t'as fait le tour. J'ai fait le tour. Ouais. Allez, messieurs, je pense qu'on va pouvoir enfin annoncer la liste tant attendue des lauréats 2012 pour les Wessels Radio Awards. Et il y a eu du lourd hein, cette année, parce qu'on a eu quand même une année moyenne 2012, mais au final, on a quand même pu sélectionner le meilleur, et quand je dis le meilleur, c'est vraiment le meilleur de cette année 2012. Allez, c'est parti, messieurs, jingle. On est vraiment bien. Sans. Non. Bordel, mais celui-là, faut jamais le lancer pour ça. Noir ou blanc, si on tend la main pour elle. Il est parti. La vie est plus belle. Alors, c'est bon là. Attaquer. Salut Verpa. Verpa qui vient de nous rejoindre. Salut à toi, bonne année dans tes numéros. Bonne année à toi aussi. Allez, c'est parti, on va pouvoir donc attaquer le premier sujet. On va lancer. Allez, c'est parti pour le rookie de l'année. Les nommés sont Ryback. Damien Sandow. Dean Ambrose. Antonio Cesaro. Seth Rollins. Et Brodusklé. Brodusklé, il fallait combler, messieurs. Alors, on a mis Brodusklé. Et le vainqueur est. Je veux un roulement de tambour, messieurs. Allez, le gagnant du rookie de l'année, messieurs, est Antonio Cesaro avec 8 voix. Réaction, messieurs. Tifo, pour commencer. Antonio Cesaro, rookie de l'année. Bon, attends, déjà, je sais même plus qui j'ai voté, donc c'est super. Mais ouais, bon, c'est mérité. Enfin, après, il y a un... C'était serré avec Ryback. Hein. Ouais, bah, Cesaro mérite plus. Enfin, au moins, le mec, il fait une progression tranquille. Et pour plus tard, je pense que ce sera bon. Parce que Ryback, en fait, on l'a trop vu direct en main event. Et ça, j'aime pas trop. Donc, Cesaro, il est sur une super bonne lancée. Donc, impeccable. Après, il y avait beaucoup de rookies, hein, franchement. Dean Ambrose, après, c'est trop Lynn, c'est trop tôt encore. Est-ce que vous voulez le nombre de voix pour chacun des participants, enfin, chacun des nommés. Alors, Ryback a eu 7 voix, Damien Sandow 6, Dean Ambrose 2, donc Antonio Cesaro donc, emporte avec 8 voix, Seth Rollins en a eu 2, et Brodusklé en a eu 0. Non, voilà, ça aurait pu jouer avec Damien Sandow, je pense, mais après... Comme Cesaro a touché le titre, je pense que c'est amplement mérité. Il n'y a pas de débat de prendre. Ben moi, j'ai envie de dire que soit Cesaro gagnait ou soit c'était Sandow. Quoi. Il n'y avait pas de... J'ai envie de dire, comme tu l'as dit, Tifo, il n'y avait pas vraiment d'autres compétitions parce que Rollins et Ambrose viennent d'arriver. Quoi. Donc, je ne pense pas qu'ils avaient vraiment de grandes chances de gagner. Ouais, mais Ryback, je pense qu'il ne fait peut-être pas l'unanimité. Il a été peut-être un peu trop touché trop vite, même s'il a quand même réussi à combler la perte de Cena. Dans le sens rookie de l'année, C'est pas celui, c'est pas peut-être le rookie qui a eu peut-être la meilleure exposition. Bah moi j'ai envie de dire la meilleure. Pas nécessairement l'exposition quoi. Celui qui a eu la meilleure exposition, c'est Ryback. Hein. Ouais, mais c'est venu trop tôt, je trouve. Trop tard, pardon. Oui, bah l'exposition de Ryback, c'est sûr que ça change par rapport chez Jaro, Sando, on les voit à peu près autant de fois l'un que l'autre, et puis c'est quand même une marche bien en dessous de Ryback. Alors évidemment, bon, nous on est un peu fans de l'internet, donc évidemment Ryback, on a toujours une petite dent contre lui. Je pense qu'au niveau du grand public, ça reste quand même Ryback qui a fait la plus grosse impression sur l'année. Par contre, je suis un peu déçu de voir que Brodus Clay n'a eu aucun vote, parce que ok, il a dû venir, je sais pas, quelque chose entre le 5 et le 10 janvier. Jusqu'à l'Elimination Chamber ou même WrestleMania, peut-être en allant loin jusqu'au mois de juillet, il n'avait pas fait un run mauvais. Hein. Il était même plutôt sympa. Il a eu du mal à se renouveler, ça c'est son gros problème. Brodus Clay s'est pris un KO punch de Big Show, c'était la fin de problème. C'est comme Ryder, quoi. Ça a tué les deux progressions. Et Ryder a pris un coup de pied dans les boules et ça a été fini pour lui aussi. Ouais, mais Ryder, c'est la feud avec King qui l'a tué, quoi. Ça. On s'en rappelle plus de ce qu'il a tué. Avec... Oui. C'est Yves Torres qui l'a tué, surtout. Bah, l'histoire avec Cena et tout, oui, c'est ouais. Sûr. Ça n'a pas arrangé. Après, moi, je... Qu'est-ce qu'il a fait de marquant Brodus Clay sur 2012, c'est genre bah oui, voilà, mais c'est pour ça que personne n'a voté pour lui, parce que forcément que Ryback s'impose plus, un Sando aussi, un Cesaro aussi, enfin tous. Oui, oui, il n'y a pas de... Enfin, on est surpris par le résultat des votes, hein, pour celui-là, quoi sur les rookies. Non, mais juste pour faire un petit rappel, parce que je suis tombé sur la liste des nominés qu'on avait l'année dernière, et quand on voit pour rookie de l'année, maintenant ça nous ferait bien rigoler. Hein. Oui, mais... Sacré bande de losers. L'année dernière, Alex Riley avait gagné. Aizen wow. Ryan, Sin Cara, Johnny Curtis, Alex Riley. Alors, magnifique. À part Sin Cara, et on voit de temps en temps Jinder Mahal, bon, Unico il est blessé, mais alors le reste, Alex Riley, Curtis et Ryan, l'année... Fadango. C'est comme si c'était pas. C'est clair. Bah oui, il faut leur souhaiter qu'ils vont pas suivre le même chemin, mais je pense pas, de toute façon. Non, là, tous les noms... D'accord. Bon, Moi je trouve normal, et puis bon, il a quand même eu un titre qu'il dirige bien, il fait bien ses matchs, il arrive même à créer l'exploit de bien matcher avec Kalis, qui est une prouesse absolument phénoménale. Donc à partir de là, on peut que dire rookie de l'année. Bon, moi j'avais mis Sando pour ses qualités au micro et qui arrive à rendre aussi du bon in-ring quand même s'il n'est pas exceptionnel. Mais c'est vrai que Cesaro, c'est logique après tout. Ouais. Donc, il a fait la bonne passerelle entre l'Indie et la WWE, donc on sait bien. Il a suivi l'exemple un peu de CM Punk et de Daniel Bryan quand même, qui ont pavé la voie pour lui quand même. Oh oui, complètement, oui. D'ailleurs, ouais. On va en parler de ces deux-là plus tard. Ils ont eu une très bonne année. Plusieurs fois, ils en revenir. Est-ce que vous voulez passer à la catégorie suivante, monsieur? Je pense qu'on a tout dit. Hein. On m'a pas donné la parole. Je rappelle. Ah, Vincent, pardon, excuse-moi, mais j'ai encore oublié du coup. Mais dis donc. Allez, vas-y. Bon, Brodus Clay, le fait marquant de cette année, c'est qu'il fait le pédophile dans le ring. Moi, sinon, j'avais voté Cesaro. Parce que forcément, le titre, mais c'est surtout qu'à chaque fois qu'il apparaît, il fait un bon match, quoi. Même contre le Great Khali, il a réussi à. Bon, pas à faire un bon match, mais à mettre en avant le Great Khali, quoi. Et pourtant, il n'a pas eu des adversaires super hauts dans la carte, à part ces derniers temps, quand on est affronté Randy Orton et Sheamus. C'est ça ? Bah, Sheamus, quand même. Il y a quand même R-Truth qui n'est pas si bas non plus, quoi. Pff, ouais, mais R-Truth, c'est une buse in ring, alors. Bon. Oui, non. Tribute of the Troops aussi. Ouais. Avec Cena. Aussi, ouais. Donc, à part là, depuis un mois, où il affronte des catchers un peu plus hauts dans la carte, mais sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de grosse rivalité, pourtant, il fait le boulot. Sinon, moi, j'avais hésité avec Damien Sandow parce que il est divertissant dans le ring, il est divertissant dans ses promos. Et puis, il y a pas mal de gens qui considèrent que Sandow, c'est Triple H il y a 15 ans. Donc, je suis pas trop d'accord sur ça parce que je trouve que Sandow est plus divertissant que Triple H quand il faisait Hunter Awesome Slay. Mais sinon... Même s'il n'a pas un arsenal de prises flamboyant, il sait vendre ses prises. Ce qui fait penser, sinon il n'a pas un catch flamboyant, ça c'est clair. Il n'est même plutôt pas bon du tout dans un ring sans dos. Je trouve son catch à vomir perso. Il est quand même largement plus potable qu'une majorité de catcheurs. Bah oui, quand même. Moi je le trouve pas. Après c'est ton avis, c'est sûr. Je sais pas, je le trouve pas crédible. Enfin, si, je le trouve crédible aussi. Mais le personnage est bien de Damien Sandow, mais dans le ring, je le trouve vraiment fade. C'est peut-être le slip, sûrement. Mais c'est comme Jindermal, je trouve qu'il a exactement les mêmes capacités in-ring que Jindermal, pour te dire. Ah non, bah non, mais regarde. C'est pareil, c'est peut-être le problème de ces gens. Non, regarde Triple H. Jindermal, on lui a foutu en pantalon, les gars. Ah non, mais regarde Triple H, il a pas fait 100 000 prises dans son arsenal, mais il sait les vendre. On compare pas Sandow à Triple H, quoi. Oui, voilà, arrête. Il sait les vendre. Ouais. Bah si, au niveau technique, je suis désolé, mais Sandow, c'est le même. Triple H, arrête. Non, je suis pas d'accord. Compare pas Sandow et Triple H, non. Il sait faire la roulette, car Vincent, t'as pas le droit, là, c'est vrai, franchement. Bah franchement, pour moi, c'est pas équivalent, mais presque, quoi. Ils sont pas comparables, les deux, encore. Peut-être dans 10 ans, je pourrais les comparer, mais pas maintenant. Ouais, mais quand tu vois Sandow qui fait quand même le segment avec la DX au Romil, tu te dis que c'est quand même pas mal. En même temps, c'est bon client pour le Romil. Bah oui, voilà, ça veut dire qu'il se met. Le mec, il est bon en pedigree, à part Kevin Nash, personne, tout le monde peut le faire. Puis il a coupé The Rock il y a pas longtemps aussi. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui s'intègre dans les méga storylines. Alors je sais pas, est-ce qu'il est aidé, est-ce qu'il est copain avec le monde créatif Pour le moment, Damien Sandow, c'est un petit peu la victime parfaite. Je pense que la WWE lui fait confiance quand même. Ah oui, totalement. Ouais, il a un excellent personnage et comme quoi les grandes gimmicks un peu caricaturales des années 93 de 98, ça peut encore marcher à l'heure actuelle. Produce Clay, ça a eu du mal à se renouveler, mais ça reste quand même pas mal. Mais Damien Sandow, on peut pas dire que c'est réellement réaliste. Hein. Enfin, pas toutes les gimmicks de ce temps-là fonctionneraient aujourd'hui quand même. Là, mais... non, le sergent Slaughter, il marchait pas. Mais... Fire Ferguson. Parce que si on... Oh, il est très bon dans son rôle. Est-ce que on peut passer aux prochaines catégories, s'il vous plaît? Parce qu'on prend beaucoup de temps sur le fil d'année, c'est très bien. Anthony Cesaro, je rappelle, qui a remporté cette catégorie avec 8 voix. Et je vous propose qu'on passe à la diva de l'année, messieurs. Oui. Allez, c'est parti. Ouais. Diva de l'année. Donc, les nommés sont Edge Lee. Eve. Leila. Caitlin. Beth Phoenix. Et Nikki Bella. Alors, Nikki Bella, c'est là aussi pour combler. Nikki Bella a eu le titre 3 jours, hein, donc c'est pour ça qu'elle est là. Voilà, on essaie de justifier un petit peu le truc. Donc, roulement de tambour, messieurs. Je peux déjà vous dire que ce n'est pas Nikki Bella, que ce n'est ni Beth Phoenix. Que ça s'est joué entre AJ Lee et AJ Lee, parce que AJ Lee a juste surplombé la catégorie avec 11 voix contre 5 pour Eve, 4 pour Layla, 4 pour Caitlin et aucune pour Beth Phoenix et Nikki Bella. Donc AJ Lee diva de l'année, messieurs, alors qu'elle n'a pas forcément beaucoup lutté cette année. Donc AJ Lee diva de l'année, la réaction du spécialiste, bien évidemment, on verra pas. Bah, c'est pas une très très grande surprise, hein. On voit la déliquescence de la catégorie cette année. Il n'y a pas eu grand chose à part IJ qui a une exposition quelque peu miraculeuse, hein, parce que depuis peut-être triste status il y a 7-8-9 ans, il n'y a eu personne qui a eu une aussi grosse présence à l'écran, bon, jusqu'à peut-être l'overdose même, parce que bon, quand tu as 4 segments dans le match, dans le show je veux dire, à plus un match où tu fais le manageuse et t'interviens à 3 minutes de la fin du show, c'est peut-être un peu beaucoup. Donc ils ont... Il y a peut-être même une surdose d'AJ Lee à la fin de l'année. Bon, je suis pas trop d'accord, hein, sur la surdose d'AJ Lee. AJ Lee, pour moi, c'est comme Layla pour Tifo. Hein. Ouais, bah ouais, moi je réagis, c'est un scandale, quoi. Justement. Voilà, c'est... pourquoi c'est pas Layla, Layla qui a les 4 voix. Allez, vas-y, Tifo, tu peux... 4 fois Tifo. Ouais, j'ai voté 4 fois sous un autre pseudo. Mais chut, on dit rien. Non, mais après, oui, non, mais pour être objectif, c'est vrai que c'est mérité, parce qu'elle a quand même eu une exposition de taré pour une diva, on peut le dire. Donc, oui, je vois pas quoi d'autre dire, hein, de toute façon. Voilà, quoi. Mérité. Réaction de Vincent. Moi, je dis, mérité, parce que je crois que la dernière fois que les divas fait le main event d'Euro, c'était Trish Stratus et Lita. Non. Pas possible, ça dépend. Est-ce qu'on compte Vicky Guerrero aussi, parce que c'est la seule à vraiment faire quelque chose dans la division féminine depuis 10 ans. Ouais, c'est plus que Mais encore, je suis pas sûr même que Vicky Hero ait fait un main event de Raw SmackDown. Oui, mais Raw, je suis pas sûr. Donc, bon ben, forcément, ça fait la différence par rapport aux autres. Et puis, franchement, Beth Phoenix, son règne, je ne l'ai pas trop retenu. Nikki Bella, ben, encore moins. Après, il y avait qui Kathleen, je sens la moitié, Rayla, ce sont déjà Marie et AJ. Ah voilà, Kathleen, à chaque fois que je la vois, ça me fait chier. Eve, c'est Moonsault, ça me fait vomir. Donc forcément. C'est dur, hein. Ah si, je suis désolé. S'il y a une diva qui a fait vachement. S'il y a deux divas qui ont fait des progrès cette année, c'est quand même Kathleen et Layla. Et Kathleen et Eve. En même temps, Kathleen ne pouvait pas faire pire. Hein. Mais n'empêche, quand c'est l'amélioration, quoi. Et puis Eve Torres, bon, allez. C'est sûr qu'il y a Pierre Ken, mais je suis désolé, elle s'est pas fait un moonsault, quoi. Si, elle s'est fait, mais c'est lent, quoi. Ah oui, voilà, c'est long, ça, c'est dégueulasse, quoi. Enfin... Les gars, c'est les divas, c'est pas Shawn Michaels, vous n'avez pas lui demandé de faire un moonsault du haut de la troisième corde sur la table des commentateurs, mec. J'ai jamais dit ça, mais il faut que ça soit fluide. Modèle. C'est des modèles photos, si tu imagines sur les photos, si elles ont des bleus partout, ils doivent les avoir, mais c'est caché. Bah, m'en fous qu'elles ont des bleus ou pas, je regarde du catch. Ah non, c'est un peu de voir, mec. Pardon. Que vous aussi pouvez réagir à la victoire de Jimmy, s'il vous plaît. Ouais, bon, c'est logique, enfin paradoxalement, parce que c'est vrai que c'est une de celles qui a le moins lutté, oui, sur le ring, mais c'est vrai qu'elle était tellement en main event avec CM Punk pendant longtemps, puis John Cena, et puis maintenant Dolph Ziggler, que forcément, bon, ben, c'est logique. Peut-être être en main event toute l'année, même déjà avec Daniel Bryan. Oui, Bryan, évidemment, avant, c'est vrai, oui, évidemment. Ouais, elle a tout le temps été, donc à partir de là, c'est vrai que c'est logique. Bon, après, les pauvres divas, elles ont que 3 minutes maximum par show, donc bon, ils ne peuvent pas produire grand-chose, donc c'est un peu méritoire de leur part. Voilà. Après, la plupart, c'est déjà barré, en plus, au passage. Hein. Oui, alors, X est barré très récemment, Beth Phoenix également, Nikki Bella se barre également. Un petit moment déjà, je crois qu'elle s'est barrée au moment de Extreme Rules, c'est ça. Qui n'a pas réagi, Renaud, je sais plus si tu... Ouais, non, j'ai pas réagi parce que je suis totalement d'accord avec tout le monde. Hein. Aucun suspense sur ce coup-là. Ouais. On se termine sur les divas trop longtemps. Non, ouais, voilà, AJ mérite largement. Voilà, je suis d'accord avec toi, moi j'ai voté AJ également. Qui a voté AJ, à part Tifo? Moi. Devine. Moi. Moi aussi. Pareil, enfin, tout le monde a voté AJ. Pour l'exposition, de toute façon, c'était pratiquement. Voilà. Ouais. Mais c'est aussi pour la qualité de son travail, quoi. Pas juste, oui, c'était vrai, ouais, complètement, ouais, ouais. C'est sûr. Allez, messieurs, je propose qu'on passe maintenant au tag team de l'année. Ah. Ça n'a pas du tout été serré. Pas de surprise. Les nommés donc sont Rey Mysterio et Sin Cara. MP. Oui, MP, j'attends que MP dise la suite. Ah oui, désolé. Road Scholar, tu l'avais pas dit, hein, c'est bon. Non. Team Eno. Prime Time Players, mes favoris. Kofi Kingston and Hercules. Et les Yuzo. Putain, MP, il a eu une absence. Je sais pas où il était, mais il était quelque part dans le Canada, mais il était pas chez lui. Le vainqueur, donc coulant de tambour, il n'y aura pas de surprise. Eno. No. Avec 20 voix contre 2 pour Rey Mysterio, Sin Cara et une seule pour les Team Road Scholars. On n'a eu aucune voix, donc les Prime Time Players, Kofi Kingston et Hershus qui ont pourtant eu les ceintures pendant 3-4 mois et les Usos. Réaction de l'homme qui est fan de Daniel Bryan ici, c'est monsieur MP. Ouais, bah, je pense pas que c'est très surprenant comme résultat, quoi. Je pense que Eno ont été, je pense, plus divertissants et ceux qui ont eu le plus d'exposition, je pense, qui ont redonné un peu d'importance à cette division technique. Bon, ça a baissé un peu en ce moment. Même si c'est en train de s'essouffler, ouais. Ouais. Parce que là, on a Eno et Road Scholars qui feudent depuis environ 2-3 mois. Enfin, ça remonte presque à Night of Champions, quoi, leur rivalité. Parce que je pense que c'est la première fois qu'ils se sont affrontés, quoi. Donc. Ouais, bah après, le problème, c'est qu'ils s'affrontaient à TLC, mais il y avait... J'ai pas compris pourquoi ils ont fait le match pour le titre à Main Event. Je vais dire une connerie, en plus, parce qu'au final, je dévoile les secrets, il y aura Team Elno contre Rod Solar, ça va y avoir un mal. Ça a été, je pense, annoncé, ou en tout cas, Ou ça a été annoncé cette semaine. C'est annoncé, c'est officiel ça. Officiel, donc parfait. Rémi Starosinka qui rapporte donc plus de voix que Rod Scholler, ça c'est peut-être, c'est peut-être le vol de la catégorie, mais bon, forcément, Timeno a survolé complètement cette catégorie sans aucune surprise. Quoi. Je dis mon petit regret à moi, et après je te laisse terminer. Peut-être mon regret, moi, c'est peut-être d'avoir fait disparaître le Dr Shelby trop rapidement. Bon, on l'a quand même revu à Raw. Il a dit, à 2013, il fait son retour peut-être. Oui, non, mais ils l'ont fait disparaître. Pourquoi ils l'ont fait disparaître quoi, Ouais, parce que ça aurait été sympa de le voir aux abords du ring en fait. C'est peut-être ça d'ailleurs que ça va rebondir. Sûrement. Je pense qu'il sera peut-être même l'homme qui fera perdre les titres au Team Endo peut-être bientôt, parce que ça devrait arriver rapidement, je pense. Donc, MJ, tu peux. Oui, je peux continuer. Ça y est. Je voulais dire que pour compléter sur Enno, que ça aurait été cool de justement voir, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans les débuts des segments d'Anger Management, on avait le mec qui s'appelait Harold, qui était Scorpio Sky à la PWG. Et moi, j'aurais bien aimé voir Scorpio Sky justement à la WWE. Parce que peut-être juste en tant que manager ou possiblement après en lutteur une fois que la team soit terminée. Puis, pour les autres nominés, je suis content quand même que Sin Cara se soit ressaisi cette année. Je pense qu'il a été quand même mieux que l'année dernière. Il a réduit considérablement son nombre de bots, je pense. Donc, ça, c'est quand même cool. Et mes favoris, les Primetime Players, n'ont pas réussi à avoir, je crois, un vote, mais je pense qu'ils sont quand même pas si mauvais que peut-être qu'en 2013, ils vont réussir à avoir plus d'exposition dans les shows quand même. Donc, c'est peut-être le futur, un bon futur pour les Prime Time Players en 2013. Franchement, j'espère pas du tout. Boosty. Écoute, je vais rebondir. Les Prime Time Players, vite fait, quand même, ils sont quand même sur un sacré chemin de la lose au passage. Hein. Ils ont perdu contre les Usos il y a pas longtemps. Hein. Oui, d'ailleurs, ils n'arrêtent pas de perdre tous les matchs. C'est pas compliqué. En solo, ils sont pas gâtés, c'est sûr. Ils tombent sur Ryback et tout. Bon, voilà. Après, oui, c'est logique, Timeno, évidemment, même si c'est une équipe quand même en 6 mois, mine de rien, c'est incroyable, ils sont vraiment devenus des tauliers. Bon, en même temps, c'est les personnalités. Kane, il a déjà été champion avec tous ceux avec qui il s'est associé, quoi, pratiquement. Donc, à partir de là, c'est logique. Puis, c'est vrai qu'il y a eu tellement de shows qui ont tourné autour d'eux, donc à partir de là, c'est normal. Après, les autres équipes étaient tellement en arrière, malgré qu'elles apportaient du bon in-ring, mais elles n'avaient pas le charisme. Donc, à part Rod Scholar, c'est vrai. Parole à Tifo. Ouais, de toute façon, c'est complètement mérité pour la team Elno. Hein. C'était hors compète. De toute façon, les mecs, ils nous ont fait une fin d'année de folie avec des segments de folie. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Puis dans le ring, enfin voilà, c'est une équipe super crédible. Ils font du bien à la division tag team. Enfin voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Donc, amplement mérité. T'as la bonne idée de l'année de les associer, vers pas. Un fan de Kane en plus. Oui, et puis fan de Damien Sandow aussi. Je me posais la question, est-ce qu'il n'y a pas eu un vote pour les Usos? Parce que j'avais vu que sur un site, c'était Arda Orcal qui parlait, et les Usos sur l'année ont quand même fait 15% de victoire. Alors les retrouver dans les finalistes parmi les 6 meilleures équipes de l'année, c'est quand même assez surprenant. Ce 15% de victoire, il y avait juste l'équipe hein, avec Tyson Kidd et Justin. Oui, on a hésité au moment. Donc, c'est vraiment des équipes qui sont là juste pour faire le nombre, parce que bon, les cinq autres équipes pardon, sont assez crédibles. Par contre, on remarque qu'à part Kofi Kingston et R-Truth, allez, les Usos qui sont un peu toujours là, mais en fait, toutes les autres équipes, c'est sur cette fin d'année. Hein. Il n'y a quasiment rien entre le mois de janvier et le mois d'août. Parce que Team Elno arrive quoi, début septembre, à peu près. Donc, c'est vraiment tout récent. Hein. Ben en fait, on a longuement hésité à placer les Usos ou Justin Gabriel et Tyson Kidd pour combler finalement les Usos. Bon, c'est plus une vraie équipe, les Usos. Ouais, voilà. Ouais, c'est pour ça aussi. C'est pour ça qu'on a mis ça. Qui n'a pas donné son avis encore? Moi. Tu peux y aller, Vincent. Eh ben, c'est quand même étonnant parce que Epico et Primo ont été champions et pourtant on les a même pas nominés, quoi. Eux aussi, on a hésité. On a hésité à les mettre également. En 2012, il a fallu faire des choix, les gars, c'est pas facile. Non, mais... Qui a été champion? En 2012, ils étaient champions. Oui, de qui? Bien sûr. Pico et Mico. Jusqu'à... Ah ouais. Jusqu'à Chevron, ça. Ah bah ça manque le bide alors, moi je m'en souviens pas. Oui. Ah oui, non, le seul intérêt de leur équipe c'était Rosa Mendes. Et encore, vous cassez les oreilles, vous adorez jouer, c'est pour dire. Non, mais c'est quand même dommage parce qu'on est quand même passé très très proche, vous imaginez, je sais pas si on peut dire le dernier spoil, mais quand même quand on voit ce qui est arrivé à Alberto Del Rio alors qu'il y a deux mois, un mois et demi, c'était très très proche avec Rosa Mendes, qu'elle est passée de Primo et Pico qui sont quand même pas les deux meilleurs main eventers de la WWE, elle a quand même failli faire un bon rendement pas... assez géant. T'imagines ce que tu viens de dire, et Pico et Primo et main event. Je peux tout dire ici. Non mais tu vois le truc, et Pico Primo, main event, c'est sûr. Et regarde, AJ au début elle était avec Hans Vogel et avec Primo Colonne. T'as vu où elle est maintenant? Alors tu vois AJ. Ouais, c'est bon, t'as raison. Ça marche bien, effectivement. D'accord. Mais bon, et Pico et Primo, les main event, non, ça va pas. Je suis pas d'accord. Tu m'aurais dit Carlito à la limite, et encore. Bon, à bientôt, Hans Vogel et Great Khali sont champions. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. On parlera de Great Khali tout à l'heure, monsieur. Bon, tout ça pour dire que. Ouais, je crois que Vincent n'avait pas fini. Ouais, pardon, tout ça pour dire que avoir une ceinture, ça veut pas forcément dire qu'on marque les esprits des gens. Non, c'est sûr. Est-ce que vous voulez passer à la catégorie suivante? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Non, bon, mais tant mieux. MP, ne mets pas devant cette fois-ci parce qu'on va passer au moment le plus choquant de l'année. Ok. Alors, les nommés sont. Alors, on va vous expliquer. Hein, quand il s'agit de. Pareil de superstar, de remettre quelque chose à une superstar, il y a 6 nommés. Quand il s'agit d'un fait, plutôt, il y en aura 4. Donc ne soyez pas surpris s'il n'y en a que 4 nommés, c'est normal. Alors, les nommés sont pour le moment le plus choquant de l'année. Sheamus bat Daniel Bryan en 18 secondes. La crise cardiaque de Jerry Lawler en direct à Raw. Les débuts de The Shield. Et Y2J Whiskey. Ça, c'est le segment, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est le segment où Y2J a éclaté les bouteilles de Jack Daniels sur la tête de CM Punk, c'était aux alentours de Extreme Rules, je crois, mais je ne suis pas sûr. C'est ça, Extreme Rules. Oui, c'était un peu avant, oui, voilà. Ouais, ouais. C'est ça. Alors, le roulement de tambour, s'il vous plaît, parce que bon, n'empêche que le vainqueur est... La crise cardiaque de Jerry Lawler en direct à Raw avec 11 voix, messieurs. Harry Segon, Sheamus et Daniel Bryan avec 9 voix. Les débuts de The Shield ont quand même rapporté 3 voix, donc c'est plutôt encourageant pour la suite. Et donc le segment avec Y2J et CM Punk a rapporté donc une seule petite voix. Messieurs, réaction là-dessus, c'est donc, on a quand même hésité à mettre ça au moment plus choquant, mais bon, on était peut-être obligé de le mettre malgré que c'était hors kayfabe, on peut dire, le rappeler. Bah ouais, c'est ça, enfin je réagis, mais moi je suis un peu déçu, j'avais voté pour Sheamus de Bryan, parce que voilà, Jerry Lawler, ouais, ok, bah ça reste assez choquant, mais ça reste, c'est du réel, quoi, c'est pas du fictif, donc... Bon, ça s'est passé à l'écran, donc c'est pour ça que... Ça s'est passé à l'écran, ouais, c'est assez choquant, mais après, c'est pas l'action in-ring, donc je suis un peu... Enfin, in-ring, comment dire... C'était pas prévu dans les plans. C'est pas dans les plans. Voilà, exactement. Donc je suis un peu déçu. Moi, j'avais vraiment été choqué par le Sheamus Bryan. Enfin, choqué dans le sens... vraiment, en 18 secondes, quoi. C'est quoi? Ça débute WrestleMania. C'est quoi ce bordel, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut? C'était plutôt un oh my god, quoi. C'était putain, il se passe quoi, là? Moi, j'avais voté pour les débuts de The Shield. Malgré tout. Ben oui, je me rappelle, en live, c'est sûr que t'étais... Ah, j'ai marqué, mais... Oui, t'as marqué. J'ai marqué. Ouais. Mais t'as mouillé le caleçon. Ouais, j'ai changé de pantalon, les gars. C'est ça. Et j'ai changé le calbut aussi, j'étais obligé. Non, j'ai voté The Shield. Bon, mais après, bon, bien sûr, Jerry Lawler, c'était forcément choquant. C'était pas du kayfabe, on l'a mis, bon, parce que ça s'est donc passé sur les écrans comme on l'a dit. Sinon, je pense qu'on l'aurait pas mis, hein, messieurs. Ouais, ouais. On aurait peut-être mis dans le retour de l'année, pourquoi pas, Jerry Lawler, mais sans plus, quoi. Que dire, messieurs, pas plus. Moi, j'ai un petit truc à dire. Vas-y, Vincent. Est-ce que c'est pas inquiétant que ça soit, comme le dit Tifo, quelque chose qui est réel, enfin, qui est pas prévu, entre guillemets, qui soit le moment le plus choquant de l'année? Alors, le problème avec le terme choquant, c'est le terme PD, quoi. Non, mais, enfin, est-ce que c'est pas inquiétant que ça soit quelque chose qui est pas prévu, qui nous marque pendant l'année et que c'est pas quelque chose qui est construit quoi. Je sais pas les débuts d'un catcheur, le retour d'un catcheur ou un match. Ah ou... non, là justement, ce qui nous a marqué, c'est que c'était pas prévu, c'est ça qui a marqué les gens. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça parce que c'est pas une storyline, mais bon, si Jerry Lawler il se pète le nez, tout le monde s'en fout. Ouais, ouais. Là, c'est quand même une crise cardiaque. Moi, je suis assez d'accord avec toi aussi sur le truc. Hein. C'est clair, c'est pas une storyline, c'est pas. Bon. Et c'est choquant au final, quand même. C'est vrai que ça s'est passé à Raw comme ça à l'écran. Bon, on peut comprendre l'avis des gens qui ont été choqués par ça. Hein. Ouais, mais je veux dire, par exemple, je pense que l'année dernière, c'était. Non, mais ça, tu peux pas. Je suppose que c'est qui avait gagné ça l'année dernière. Est-ce que notre expert en archive, Verpa, peut nous vérifier ça mais. Non, la crise cardiaque, c'est pas de la story, quoi, mais. Ouais. C'est comme ça, écoute. C'est justement parce que c'était pas prévu que ça a marqué les gens. Enfin, c'est mon avis. Hein. Alors, on n'aurait peut-être pas dû nommer. Ouais, je sais pas. C'est un peu un moment en compétition, quoi. Ouais, voilà. Il y a eu des pattes, quand même, pour le mettre. Hein, voilà. Oui, parce que bon, quelqu'un qui côtoie la mort de très près en direct, en vrai, donc forcément, c'est rare. Hein. Ah. C'est sûr, monsieur. Qui n'a pas parlé sur cette catégorie? Bah, moi, à part que, ouais, bah, Seamus Bryan, ça, c'est le moment le plus choquant au niveau in-ring, voilà, et puis Lawler, c'est logique, tout, donc voilà. Est-ce qu'on peut rappeler les faits, s'il te plaît, Brosti? Comment ça? L'anecdote du Seamus Bryan pour nous. Ah, Seamus Bryan, ah oui, oui. Ah, ça c'est une live. Information. C'était le live, remarquable d'attendre que ça soit le match qui vole le show et puis de voir que ça se finit à 18 secondes. À quoi, je vous explique. Une bêtise qu'ils avaient un petit peu. Ah, moi j'avais coupé quoi, le visionnage. On en avait parlé, il y a ça au moment du podcast spécial de la WrestleMania qu'on avait fait avec Sylvain Garnalec. Moussi, il était avec nous, il faisait live tranquille. Il attendait ce match-là, bon, on savait que ce serait notre heure. Hein. Il attendait, il voulait voir ce match, il voulait ça depuis un an, depuis qu'ils avaient mis le fameux match contre US en dark match l'année dernière. Il voulait le voir à tout prix, ce qu'on voit. Le pauvre, ça a duré 18 secondes, il s'est barré. Il a coupé le stream, il s'est barré, il est parti se coucher. La classe. Ah bon, j'ai regardé un match de foot US en salle. Ah, pardon. tu t'es rattrapé sur le combat d'Extreme Rules où ils ont fait au meilleur des trois manches? Ah bah là je me suis régalé, oui. Tu t'es régalé? On en parlera tout à l'heure, mais justement. Oui, on en parle tout à l'heure, ouais. Alors messieurs, donc c'est parti, est-ce que vous voulez passer donc à la catégorie suivante? Pour moi, perso, c'est bon. La feud de l'année, monsieur. Allez, donc c'est parti, on va passer donc à la feud de l'année, messieurs. Les nommés sont MP, n'oublie pas. Oui, je suis là, pas de problème. Allez, les feuds de l'année, donc Seamus contre Big Show. Daniel Bryan contre CM Punk. Brock Lesnar contre Triple H. Et finalement, Chris Jericho contre CM Punk. Alors, et le vainqueur, messieurs, et le roulement de tambour, s'il vous plaît. Chris Jericho contre CM Punk avec 9 voix. Là, c'était assez serré. Là aussi, ça s'est à peine joué à 2-3 voix. Entre bon, Seamus Big Show, seulement une petite voix. Brock Lesnar versus Triple H avec 7. Et Daniel Bryan contre CM Punk avec 6 voix. Donc, Jericho versus CM Punk, c'est pas la fête qui m'a le plus marqué cette année. En même temps, aucune fête m'a vraiment marqué. Je sais pas si c'est votre avis, mais. Non, moi je te rejoins. Non, moi non plus. Il n'y a pas réellement de fête qui ont vraiment été marquantes. Après, moi j'ai voté CM Punk contre Daniel Bryan parce que, personnellement, c'est les matchs qui m'ont marqué. La qualité in-ring était vraiment excellente, donc moi j'ai voté pour ça. Mais après, niveau, c'était pas vraiment construit, on peut dire ça. C'est vraiment le niveau in-ring qui m'a induit dans mon choix. Mais j'ai envie de dire que quand même la FUD avec le triangle Daniel Bryan et Jelly et CM Punk a quand même été divertissant. Même si c'était pas la plus grande FUD, le plus grand scénario de l'histoire. Moi, quand je regardais Rush chaque semaine, j'étais diverti par cette histoire-là. Puis je voulais savoir qu'est-ce qui se passait. Quoi. Donc, pour moi, c'est quand même... Ça mérite quand même son. J'ai voté pour eux, donc je pense que ça mérite quand même. Ça méritait quand même d'avoir un bon nombre de votes, quand même, cette catégorie. Donc, ouais, c'est... ouais, je suis d'accord avec toi. C'était assez divertissant, mais ça n'a pas duré assez longtemps. On en demandait plus. Si tu comptes le chapitre Over the Limit, après ça, tu as eu le triple threat à No Way Out et le match à Money in the Bank, c'est quand même 3 mois. Hein, je veux dire, Ouais, mais voilà, on en pas... demandait plus. Quoi. Tellement c'était bon dans le ring, on en demandait tellement plus. Ouais, je Je suis pense que c'est à d'accord. cause de ça. En fait, moi, si la WWE veut faire en 2013 à chaque pay-per-view cette affiche-là, moi, ça ne me dérange pas parce que je sais qu'ils peuvent toujours se réinventer pour les avoir vus sur le circuit indie et tout. Donc... Mais ouais, je pense que c'est pour moi, c'est quand même mon coup de cœur de l'année, mais il y avait quand même quelques autres choix cool, même si c'est peut-être pas la meilleure année sur le niveau des feux, quoi. Ben ouais, non, mais c'est vrai que c'est une catégorie où tous les choix étaient possibles et tellement il y a eu vraiment beaucoup d'égalité, on va dire, à travers les rivalités. Bon, par défaut, ben, enfin, par défaut, non, pas vraiment, mais ben, comme j'aime pas l'alcool, donc ça me fait plaisir, moi, car l'alcool se fait défoncer un peu dans tous les sens. C'est pour ça que j'ai choisi Chris Jericho contre CM Punk, donc forcément. Ouais, puis c'était divertissant, c'était le mec que j'adore, donc très bon au micro. Donc voilà, après ça aurait pu donner mieux, c'est sûr, mais pour moi c'est mieux. Même si le triangle amoureux, c'est vrai, était pas mal aussi, mais il n'y a pas eu de grands trucs. Enfin, Moi, étant cette année, ça sera mieux, je pense. étant un grand fan de Chris Jericho depuis quand même assez longtemps, ça m'a un peu déçu ce retour-là, justement. C'était une très bonne feud, je suis d'accord avec toi, mais ça m'a un peu déçu parce que je m'attendais plus de lui. Je sais que, à quel point Chris Jericho est talentueux et tout. J'ai bien aimé qu'on joue sur un peu le côté stratège de Punk, mais je pense que. Si on nous aurait donné plus de segments, plus d'expositions, je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Et, parce que dans le road to WrestleMania, il y avait pas mal Rock et Cena qui valaient la vedette. Puis je pense que cette feuille-là peut passer un peu sous le radar à cause de ça. Oui. Ouais, c'est peut-être ça, oui, C'est dommage. effectivement. Il y a Après, manqué un. je serais bien revenu sur cette feud entre le Rock et Cena, qui est quand même la feud numéro 1 de l'année, même si elle n'est pas parmi les nominés. Mais c'est sûr que si on enlève bon, cette mini feud, parce que c'est une affaire que de quelques mois lors de la Road to WrestleMania, c'est aussi l'absence de la d'une feud qui est habituelle, normalement, c'est celle qui est avec l'Undertaker. Là, cette année, quand même, il n'y a pas eu une énorme feud entre HHH et Undertaker, donc évidemment, ça fait un vide. Quand c'est pas Undertaker ou quand c'est pas Cena, d'un coup, on se retrouve vite avec une possibilité de CM Punk, mais en face, on a évidemment quelqu'un qui est moins expérimenté. Et donc, Daniel Bryan, c'était quand même l'année de sa confirmation. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'on trouve que le niveau des feuds de l'année a peut-être légèrement baissé. Par contre, sur le plan qualitatif, je pense que les feuds ne sont pas plus mauvaises. Elles sont juste peut-être moins clinquantes, avec des stars moins établies, mais en tout cas, elles sont pas plus mauvaises. Et moi, le je problème, pense c'est qu'à qu'elles chaque fois. sont moins. Juste deux petites minutes, MP, après je te laisse la parole. Enfin, les feuds sont moins intenses. C'est mon seul reproche que j'ai à mettre là-dessus, en fait. Il n'y a pas d'intensité dans les feuds. Ben moi, quand je compare à l'année dernière entre Cena et Punk, puis quand je compare par exemple à une feud légendaire comme Shawn Michaels et Chris Jericho en 2008, je veux dire que oui, il y a eu quand même une certaine baisse de qualité. Parce que ça, c'est peut-être des feuds légendaires hors du commun, mais je veux dire, ils sont quand même arrivés lors des dernières années, puis étaient, même en 2008, on avait aussi Edge contre Taker, qui était juste magistral aussi. Donc pour moi, on n'a pas eu une feud de cette telle importance en 2012. Je pense que. Ça a été peut-être une moins bonne année, mais je pense que ça a quand même réussi à avoir quelques trucs qui s'allaient quand même sortaient du lot, mais je pense pas qu'ils étaient autant bons que justement les dernières années. Puis j'espère qu'en 2013, ça va se redresser un peu de ce côté-là. Renaud. Ouais, moi j'ai bien apprécié la feud entre Triple H et Brock Lesnar, perso. C'est un match que je voulais voir déjà à l'époque, hein, en 2002, quand Lesnar était encore là, qu'il était bien au top, que Triple H était en pleine forme. Je rêvais de voir ce match, ça s'est pas fait, en tout cas en pay-per-view. Je pense pas non plus qu'ils soient croisés dans les shows weekly. Ils se sont déjà croisés à Global Warning Tour, c'était un pay-per-view qu'ils avaient fait à l'époque en Australie, mais c'était en triple threat avec le Rock. Et ouais, j'ai bien aimé cette feud qui a pris une tournure personnelle avec les enfants de Triple H qui étaient un peu mêlés à l'affaire, Stephanie McMahon qui était là aussi, Paul Heyman qui rajoutait un peu de son grain de sel. Moi, j'ai bien apprécié ce match. Oui. Le côté Stephanie McMahon, c'était lors d'un Romy, donc il y avait C'est encore ça. c'était juste pour l'occasion du Romy, c'est tout. Ouais. Bah oui, mais bon, ça, je veux dire, ça a apporté quand même, puisque elle bat Ce qu'ils Paul auraient dû Heyman et ces faire, deux-là. non, mais ce qu'ils auraient dû faire, ce qui aurait été cool, c'est qu'il intervienne pendant sa seconde DX, quoi. Parce que là, Oui, bon, Triple H, après, il est ouais. avec ses potes. Triple H Oui. était avec ses potes et ça aurait été vraiment un truc de fou là. Et donc on enlevait Damien Sandow alors comme on en parlait tout à l'heure, que Damien Ouais, Sandow voilà. Oui, bon, en tout cas, voilà, moi, perso, j'ai bien apprécié. Et puis, il y avait aussi, voilà, il y avait pété le bras à Triple H quelques mois avant, quand il y avait encore John Laurinaitis qui était en place, par rapport à l'histoire du contrat, qui voulait le jet privé de Vince McMahon et tout le tralala, que Raw, ça s'appelle Raw spécial Brock Lesnar. Je ne sais pas si vous en souvenez. C'était storyline, ça. Enfin, oui, non, mais bien sûr. Mais justement, en termes de storyline, moi, je trouve que celle-là, elle s'est bien établie. C'était pour l'histoire avec Cena, ça, Monday Night Raw style Brock Lesnar. Non, ça a commencé, c'est à partir de là que ça a commencé avec Triple H, ce soir-là. Ouais, mais ça n'a pas Extreme Rules, quoi. Cena. Ben, il battait Cena, c'est ça, non? S'il battait Cena Extreme Rules, il avait droit à ce truc-là, et puis il n'a pas battu. Il a quand même voulu. Enfin, bon, oui, ça part avec Cena, mais c'est ce soir-là où c'est Triple H qui... Ouais, je me rappelle, avec les kimonos, là, quoi. Ouais, exactement. Ça a revenu. Oui. Messieurs, est-ce que vous voulez passer la suite ou est-ce que vous avez encore quelque chose à dire? Ben, je pense que personne n'a parlé de Sheamus contre Big Show, mais j'ai envie de dire que ça a peut-être été la feu de la dernière feu qu'on a nominé parce que c'était peut-être celle en fin d'année moins importante. Il y a quand même des bons matchs, on peut quand même dire ça. Big Show qui a quand même eu une renaissance un peu en fin d'année, côté qualité de match et... Faudrait peut-être voir un peu ce que ça va donner dans l'année. Est-ce que ça sera toujours aussi bon ou est-ce que ça redeviendra comme avant? Faut voir. Là, maintenant qu'il a perdu le titre contre Alberto Del Rio en plus. Bon, sinon, moi, j'ai pas trop aimé la rivalité que parlait Renaud entre Triple H et Brock Lesnar parce que je me souviens que Brock Lesnar a cassé le bras de Triple H. Après, c'est Triple H qui lui a cassé la gueule au Romil et puis voilà, après. Shawn Michaels après. Oui, puis le truc de Shawn Michaels, mais sinon c'est les trois segments où je me souviens et c'est pas ça m'a pas super fait kiffer quoi. Et puis en plus le match de SummerSlam était pourri. Enfin, était pas pourri mais décevant, décevant par rapport aux attentes quoi. Et c'est pas une rivalité qui m'a super plu. Moi, j'ai plus aimé la rivalité entre Daniel Bryan et Punk, mais surtout entre Chris Jericho et Punk parce que là, il y avait des bons segments, il y avait des bons moments au micro. Le segment, tu vas me dire, où Punk devait faire l'alphabet à l'envers, et il était bien, tu vas me dire. Oui, j'ai aimé celui-là. Il était gênant, ce segment. Bon. Il était divertissant, ce que j'ai trouvé. Ouais. C'était original. Ça m'avait gêné, ce segment-là. Mais gêné en quoi, Gus? Je sais pas, ça m'a gêné. J'étais gêné, quoi. J'étais là devant mon écran, quand je regardais ça, j'ai fait ouais, d'accord, il se passe quoi? Pourquoi ils font ça? Pourquoi à Punk? Alors qu'on sait très bien que machin est stylé. Ça renforce le rôle de Jericho qui veut gagner sur la série, quoi. Il va même utiliser les faits. L'histoire de la police. L'histoire de la police et tout. Vous avez compris. Bon, messieurs, est-ce que vous voulez passer au match? J'ai dit au match suivant. Ah, ouais. L'habitude, hein? Habitude. J'allais dire non, la catégorie suivante, messieurs. Ouais. Allez, c'est parti pour le pay-per-view de l'année, messieurs. C'est parti. Donc, WrestleMania, qui est premier nominé. Ouais, Night of Champions. Extreme Rules. Et TLC. Alors, messieurs, le vainqueur. Pronostic. Moi, j'ai envie de dire TLC. Vous aussi, pronostic. Et aussi. Renaud, pronostic. Ah, c'est le mania. S'il faut, pronostic. Je serais tenté de dire TLC, mais je sens WrestleMania. Verpa, pronostic. Je sens la surprise Extreme Rules, même si je n'ai pas tellement aimé, vous en parliez tout le temps. Donc. Alors, le vainqueur. Et Vincent, pardon. Je vais te tuer. Moi, je dirais Extreme Rules. Allez, le vainqueur donc du pay-per-view de l'année pour le monde tambour, bah, mettre un petit peu de suspense. Le pay-per-view de l'année est donc. Tables, Ladders and Chairs avec 10 voix, messieurs, donc TLC pay-per-view de l'année. Heureusement, j'ai envie de dire qu'on a attendu avant de lancer les awards. Pour placer TLC, personne ne voyait TLC, vraiment pas perdu de l'année, vu comment le show a été vendu. Ce qu'il faut dire, c'est que, bon, Ça a quand même aidé c'est qu'on n'a pas eu Ryback contre CM Punk. Oui, beaucoup. Oui. Bah non, parce qu'on aurait eu en TLC match. Ouais, mais je pense que le Six Man. Le match à 6, ouais. Ah oui, bon, le match à 6, oui, forcément. C'est un peu des circonstances qui ont aidé à ce pay-per-view. Quoi. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais finalement, je pense que ça a tourné pour le meilleur. Quoi. Mais pour compléter. Disons qu'on a eu un début de show moyen, et à passer les trois premiers matchs, c'était juste du rêve. Quoi. Ah, mais c'est le dernier pay-per-view de l'année, donc ça aide dans. C'est ce qui est plus frais dans nos mémoires, quoi, parce que. Est-ce qu'on est encore capable de donner la moitié des matchs de Night of Champions, par exemple, qui n'était pas un mauvais cru, pour surtout un pay-per-view qui d'habitude est assez mis de côté je pense pas. Donc le fait que ce soit le plus récent, je pense que ça joue énormément dans la désignation de TLC en tant que pay-per-view de l'année. Bah bon, quand même, on a, au début, normalement, on commence les awards, on les fait avant TLC pour qu'on vous dise en général les résultats au moment de Noël, enfin entre Noël et le jour de l'an. Là, cette année, j'ai voulu attendre TLC au cas où. Bon, on a bien fait. Hein. Ouais, t'as bien fait parce que pour moi, dans ce pay-per-view, il y a juste le match de l'année en fait. Mais pareil, justement. Donc, ouais. Donc c'est ça qui m'a fait choisir TLC. Ben oui, moi aussi, voilà, parce que bon, il y a eu d'autres bons pay-per-views, ça c'est sûr, cette année, du bon, du moins bon, comme d'habitude. Mais bon, WrestleMania, ça me laisse souvent sur ma faim, c'est bizarre, mais ça me laisse souvent sur ma faim. Donc à partir de là, c'est vrai que TLC est tombé bien, moi j'adore les matchs à stipules en plus, donc parfait. Renaud. Ouais, ben oui, pareil que vous, hein. Sur les pay-per-views, déjà, je pense que la liste qu'on a faite, elle était très bonne. Il y a des listes, en fait, on s'est demandé pourquoi on mettait ces gens-là. Ça, c'est pour faire le chiffre, pour faire le nombre, c'est vrai. Là, franchement, sur ces pay-per-views-là, c'était déjà super. C'est logique au final. Il y a eu des gros matchs. Moi, j'ai aimé aussi le Ziggler-Sena, je trouve qu'on en a pas assez parlé, perso. C'est vrai. C'est sûr que le match à 6. Je vais quand même rappeler le nombre de voix pour chaque. Pour chaque nommé, si je ne l'ai pas fait. Alors, donc, TLC l'emporte avec 10 voix. X-Humorous, 3 voix. WrestleMania, quand même, avec, sentir quand même avec 8 voix. Et donc, Night of Champions, se sentir avec aucune voix. J'ai envie de dire que, pour compléter ce que Renaud disait, que Ziggler Sina, surtout en live, je pense que ça a fait une différence. L'ambiance était quand même assez énorme. Puis de voir ce que Ziggler faisait, je pense qu'on. On s'est régalé. Quand même. Je pense qu'on était là, on était les trois avec Renaud, moi et Bosti, donc c'était quand même. Ah ouais. On avait une petite valeur plus supplémentaire en le faisant en live. J'avoue aussi que ça peut avoir aidé pour nous. Là, mais moi, pour revenir aux autres nommés, Extreme Rules, je suis un peu surpris qu'il n'y ait pas plus de voix. C'était mon choix perso, mais il y a eu quand même. Deux bons matchs, c'est pas trois. Tu avais eu le Lesnar Cena beaucoup contesté. Moi, j'ai adoré personnellement. Il y avait aussi le Sheamus contre Bryan. Et je me rappelle plus le match pour le Jericho contre Punk. C'est ça, qui est aussi un très bon match. Jericho Punk, ouais. Qui est nominé dans nos matchs d'année. Donc, tu avais trois gros matchs solides. Donc, c'est un peu bizarre. Je suis d'accord avec toi sur Extreme Rules, totalement. Ouais. Il n'y avait aussi. Il n'y a pas eu plus de pop. Il y avait aussi Ryback contre Jobber. Ouais, on regrette tous. En tout cas, Capital Punishment. Ah, c'était ça. Non, ouais. Pas. Pourquoi je parle de Capital Punishment? C'était No Way Out. Non, mais c'était en 2011, Capital Punishment. Oui, mais pourquoi tu parles de ça? Parce que c'était tellement pourri qu'il le regrette. Bah, ça manquait à la liste. C'est l'ironie. Ah, pardon, d'accord. Excuse-moi. Ça pourrait revenir d'ailleurs. Hein. Ah oui? Non, cette année il va y avoir quoi? TBM, tu vois, un truc comme ça? Non, mais ça c'est TMB. À être déterminé quoi. C'est le titre du pay-per-view qui était à être déterminé. Ouais, ça va être à Chicago, alors une histoire avec Punk à mon avis. Enfin bref. Est-ce que vous voulez passer à la catégorie suivante, messieurs? Bah oui. Ouais, si même Vincent a parlé, c'est ouais. Bon alors. Allez, c'est parti. Et on va sortir les mouchoirs, messieurs. Parce que ça ne va pas nous faire plaisir ce qu'on va parler. On passe donc, messieurs, au moment le plus pathétique de l'année. C'est parti. Dénommé 100, le Michael Cole contre John Cena. dance-off match entre Brodusky et Vicky Guerrero. Wow. J'ai deux fois le Michael Cole contre John Cena sur ma liste. Ah, tu dois pas avoir la liste à jour. Hein, parce que... le texto match entre Rick voilà, c'est celui-là qui me manque. Pourquoi j'ai ça, moi? Et donc la censure à Saturday Morning Slam. Le vainqueur, donc un petit roulement de temps mouvant, messieurs. Et le vainqueur, donc du moment le plus pathétique de l'année, c'est. Le dance of match entre Vicky Guerrero et Brodus Clay qui l'emporte avec 14 voix, messieurs, donc no contest pour cette catégorie. J'aurais bien joué la crise cardiaque de Lawler. Hein. Oh, vraiment. Oh, vers non, non, surtout l'après-crise cardiaque, parce que la crise cardiaque, on peut rien comment dire. La WWE l'a utilisé, ça c'était dégueulasse. Mais... L'usage de la storyline, après c'est très américain, mais pour nous ça choque, en tant qu'Européens. Ouais, évidemment. Ouais, c'est ça, ouais, voilà. Mais disons en fait que c'est la fausse crise cardiaque des mêmes quoi, que j'ai trouvé pathétique. C'est vrai qu'on aurait pu mettre. Totalement. C'est exactement ce qu'on vient de dire, Gus. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu mettre. Moi, fatalement. Excusez-moi. Pourquoi on l'a pas mis? Je sais plus. Parce qu'on a préféré mettre le Tuxedo Match. Il y en a qui l'ont aimé aussi, ce segment là. Donc. On en avait parlé, je crois, mais il y en a qui l'avaient aimé, donc finalement, on l'avait pas vu. Il n'était pas regardable. C'était pas bon non plus, mais c'était pas regardable. On a vu pire. Hein. C'est autre chose que Michael Cole, Jerry Lawler de l'année dernière, avec leur histoire de ketchup avec Jim Ross. Hein. On est quand même là pour. On est quand même mieux là. Mais c'est dans Michael Cole, il y a la sauce barbecue aussi, si je me souviens bien, de partout sur Michael Cole. Ah, moi ça m'a marqué, oui, ça m'a achevé d'ailleurs. Ouais, moi aussi ça m'a achevé. Michael Cole qui a bouffé les pieds de Jerry Lawler. Ah oui, c'est et le match, il y a eu d'ailleurs, les gars, l'année dernière, le moment le plus pathétique de l'année, vous savez, c'était quoi? On se gueule. Non, il était nommé, mais c'était déjà un dance of match mêlant Vicky Guerrero qui l'a emporté. Faut vraiment arrêter ces conneries. Donc. mais c'est vrai que cette année, on a eu des trucs pathétiques, parce que si Rinatis a même un peu perdu. Que le Rinatis, c'est sympa. C'était Over the Limit, le main event. Over the Limit, voilà. Ah ouais, mais Laurie Knightis, disons qu'ils l'ont mis très très loin du culture qu'il était avant. Donc, Oui, c'est sûr. Je me rappelle que Laurie Knightis a sorti un motivé. Il était quand même pas mauvais, hein, Laurie Knightis. Ils auraient pu en faire un grand personnage style Vicky Guerrero, un personnage hors ring, ça aurait été très bien. Mais est-ce qu'il garde ça pour l'avenir? Il a fait un petit truc qui s'est fait même mater par Teddy Long, alors bon, à partir de là... Lol. Donc, Michael Cole contre John Cena, pour moi, c'était mon choix parce que c'est dans ces moments-là que tu te dis pourquoi je regarde ça. Ça, c'est. Surtout que le Michael Cole. À main event de Raw, oui. C'est un peu un moment comme on a eu à toute fin de cette année avec Mae Young qui donne naissance à Enzo Gull. Aussi, qu'on a fait les avoir trop tard. Ça, cette année oui, on a attendu Chelsea, oui. Mais par contre, on n'a pas attendu pour les autres. Hein, parce que alors l'Euro de Noël et quelques trucs qu'il y a on eu. On a vu ça. Eh bien sûr, hein, mais à Young. Sérieux ? Elle a accouché ? Oui. Allez, de qui ? D'une main encore ? Non, de Hornswoggle. Elle a accouché de Hornswoggle, mon petit. Oh, eh oui, c'était le bébé du premier dedans. Et l'autre, Kali, était la sage-femme. Exactement. J'ai pas je regrette Kali qui tenait les jambes de Mae Young, qui disait, mais je fous quoi, là ? Enfin, il sait jamais ce qu'il fait, de toute façon. Et d'ailleurs, t'avais les PTP et Tensai qui faisaient la gueule. Ouais, non. Oh bah oui, et puis Tensai aussi, là, lors des Sammy Awards, comme le truc de glace là qu'il avait fait. Hein. Oh, putain, ouais, le truc de Shockmaster, quoi. Mon dieu, dans quel rôle ils ont foutu Tensai? Oh. Pathétique. Ouais. Oh mon dieu. Qu'il retourne à la New Japan au plus vite, ouais, je pense que. Ouais, ce serait peut-être mieux pour lui. J'avais dit qu'il serait main eventer, je me suis bourré complètement. Messieurs, on n'a pas parlé de la censure au Saturday Morning Slam. Ah ben je vais en parler d'ailleurs parce qu'ils ont mis un match Damien Sandow contre Randy Orton la semaine dernière. Et forcément, pendant le RKO, ben, on a fait voir les commentateurs. C'est grave. Ah mais c'est grave, sincèrement, oui, c'est grave. Hein, franchement, c'est... Ouais, c'est grave, ça reste un slam. C'est hallucinant. Il y a 300 000 personnes qui regardent ça à 10h le matin sur une chaîne pour enfants. Donc, à côté de Raw, ça reste quand même très très confidentiel. C'est comme si non, il y a une storyline de fou à Superstar. tout le monde s'en fout en fait. Hein. Non, mais je suis d'accord avec toi sur l'exposition du show, mais c'est incroyable. C'est de là, censure un RKO quoi. De là, censure un RKO. RKO quoi. C'est clair. Ah oui, puis, samedi c'est prochain, il y aura le boule à mort de Wade Barrett. Alors là, j'imagine même pas. Oh non, bah, ça me dérange pas du tout de le censurer parce que c'est une émission qui est créée spécialement pour ça. Encore si c'était non, je sais pas, Superstar ou NXT qui avait été transformé. Dans cas, mais dans ce cas-là, il leur demande de faire autre chose, de finir autrement quand même. C'est adapté. Tu vois l'arbitre qui fait compte 2-3, mais t'imagines les gamins, ils se demandent combien il a gagné. Enfin, non, mais c'est horrible. Moi, ça me tue, moi, ça. Hein. Enfin, bref, messieurs. Je sais pas si vous vous rappelez de l'épisode Daniel Bryan contre Tyson Kidd. Oui, j'essaie de plus me rappeler, mais je te remercie de en parler. Le Yes Lock, il est décensuré. Non, c'est parce qu'ils ont fait un match. Dans le ring, bon. Ouais, c'est ça. Oh là là, d'accord. Ouais, ouais. Est-ce que vous voulez passer à la suite, messieurs? J'en ai marre, parlez pas. On continue dans les jolis thèmes d'ailleurs. Hein. Ah oui. Alors là, je veux, messieurs, on va lancer un jingle, je m'en fous, le jingle bénigne, c'est parti. Attends. Oh, c'est bon, ok. Donc, merci pour ce jingle bénil. Non, c'est bien évidemment, on n'est pas ce son pour rien, parce qu'on passe au boulet de l'année, messieurs. Alors, exceptionnellement, MP, je vais le dire tout seul. Parce que j'ai envie de le dire. Comme tu veux. Allez, les nommés sont, messieurs. Booker T pour l'ensemble de son œuvre. Randy Orton pour son année 2012 de merde. Le Great Khali, parce que c'est le Great Khali, tout simplement. Et Kevin Rudolph pour sa perf exceptionnelle lors de SummerSlam, digne d'un élève de la Star Academy sur NRJ 12. Et les vainqueurs, messieurs, du boulet de l'année sont. Enfin, et plutôt. Et c'est le Great Khali, parce que c'est le Great Khali, messieurs, tout simplement. On a la réponse. Alors, même pas de débat. Dommage, il est revenu malheureusement. Mais Teddy DiBiase, il n'était pas là. Justement, on aurait dû mettre l'absent de l'année. Par contre, je trouve un peu bizarre qu'il n'y ait pas celle qui chantait un des thèmes de WrestleMania, là, celle qui s'est fait huer. Parce qu'entre la version MP3 et la version live, il y avait une différence énorme. Oui, celle qui chantait le thème de John Cena, effectivement. Ah ouais, ok. L'un des deux thèmes, celui qui s'est fait huer, pas Florida. Voices in the air. Ouais, voilà. Entre la version CD et la version live, il y a quand même un gouffre, quoi. Ben, disons qu'on a mis Kevin Rudolph, je me rappelais pas de ça en fait, tout simplement. Et puis Kevin Rudolph, il a eu trois thèmes à lui dans l'année, tu sais. Rudolph, il était au SummerSlam, non, en live? Enfin, en live. Non, mais je sais que Rudolph, c'est un des reines du Père Noël, mais après ça... C'était Florida qui était en live au SummerSlam? Non, c'était non, ça c'était Kevin Rudolph. Florida, il a fait le thème du rock. Florida, il était WrestleMania, hein. Ouais. Ils ont dû faire les deux. Putain, vous vous souvenez même pas, je suis deg. Si, je me rappelle de ça. La musique était pas mal, mais ils l'ont mal fait. C'est clair. Ouais. Alors, je vais quand même vous dire les voix. Le Great Khali, donc l'emporte avec 11 voix, Booker T 7, Kevin Rudolph 3 et Randy Orton 3. N'empêche, ils ont été. Ça fait quand même bizarre de nommer Randy Orton dans le boulet de l'année. C'est pour dire à son année de merde. Non, mais n'empêche, franchement, ils auraient tous se mérité de l'avoir, quoi. Bah oui. Chacun pour son style, effectivement. Hein. Oui, chacun dans son genre, ouais, c'est vrai. C'est un peu pour ça qu'ils sont là dans les nominés. La Booker T pour avoir ramené Great Khali, bon, mais c'est pas son choix, mais enfin bon, voilà quoi. Ouais, voilà, ouais, c'est pas son choix. Et puis lui, son retour, c'est une catastrophe. Aux commentaires, on comprend rien la moitié du temps. Et puis bon, ben. Gibier, elle a fait sortir. C'est peut-être du long, même pas quoi. Donc bon. Relevons quand même l'absence d'Hornswoggle. Pourtant un habitué de la catégorie. C'est un habitué de la catégorie boulet de l'année. Non, on l'a pas mis cette année. On va pas mettre hors catégorie, il y a plus besoin de préciser. Oui, c'est vrai, en plus, je veux dire. Hornswoggle est juste hors concours maintenant. C'est comme ça. Il est hors concours maintenant, c'est bon. Là, c'est... Et Khali aussi maintenant, voilà, ils sont Hall of Fame. Ouais, ça y est, Khali, il est Hall of Fame. Ça y est, les deux sont Hall of Fame du boulet de l'année. Non, mais de toute façon, je pense que si l'accouchement... Le Hall of Boulet. Non, mais de toute façon, je pense que si l'accouchement aurait lieu un mois plus tard, on l'aurait mis. Hein. Enfin, un mois plus tôt, plutôt. Mais c'est oui, mais voilà. Complètement. L'accouchement de Mérion, on l'aurait mis. Bah oui, le Père Noël et tout ça, oui, c'est sympa, ça. Ah, ouais, c'est super. Ah oui, le Alberto Del Rio qui écrase le Père Noël. Ah, c'est super. À l'arrêt. Génial. À l'arrêt. À l'arrêt, oui, il écrase le Père Noël à l'arrêt. J'adore. Et ça peut tomber juste devant la gueule du Père Noël, tu sais. j'ai pas pu m'empêcher de rigoler quand j'ai vu l'image, quoi, parce que la façon dont Mick Foley s'écrase sur la voiture, c'était digne de l'émission Le jour où tout a basculé. Je sais pas si vous avez déjà vu ce truc. Ah, oh, si, bah si, ouais, c'est exactement ça. La fameuse image du mec qui s'écrase avec le vélo, mais qui fait une chute au ralenti, tu sais. N'a rien du tout, mec. C'est grave. C'est carrément grave. Bon, monsieur, on va assez rigoler. Est-ce que vous voulez repasser aux choses sérieuses? Bah ouais, ce serait peut-être temps quand même. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Pour passer, non, monsieur, au restaurant. Au restaurant. Et il nous a spoilé. Au segment de l'année. Allez, c'est parti. Les nommés sont Team Eno au restaurant. A3MP. Opposition CM Punk Mick Foley. Lors du même roi en plus. Oui, la DX Convention. Lors de Romil. Et le mariage Brian et Jay. Lors du même roi. Et le vainqueur est. Gros suspense. Ah ouais, je vous ai mis suspense là. Ah oui. Eh ben non, c'est la DX Convention, les gars, qui a remporté le prix. Donc... Tu nous as grillé complet. Ah, l'enfoiré. L'enfoiré, la grille. C'est pas immérité, la DX Convention, hein, avec la petite intervention de Sendo. Ah, ouais. C'est pas immérité. Non, c'est un petit peu le segment de l'année, c'est mérité. J'ai quand même dire, bon, c'était serré avec Timeno Restaurant, qui est encore dans le pain, qui était juste derrière avec 9 voix. La confrontation Folly Punk, 3 voix. La réunion de DX, donc 10 voix. Et le mariage Brian Edge, 2 voix. Ah, Kainan Server, c'était marrant, oui. Non, bah ouais, c'était énorme, c'est dommage. Moi, j'avais voté pour eux. Ah oui, d'ailleurs, ça représentait un peu tous les segments qu'ils faisaient dans leur thérapie contre la colère, justement, qui était excellent. Ouais, voilà, c'était un peu ça. Moi, j'ai voté pour ça, hein, globalement, en fait, pour tous les segments qu'ils ont pu nous faire. Parce que oui, c'était voilà, trop dur d'en caser juste un. Au lieu de mettre Team Endo Restaurant, on aurait dû marquer Get Out, là, le segment avec les câlins gratuits. Non, t'aurais pu mettre Elno pour l'ensemble de son œuvre, quoi. Ouais, mais là, non, c'était pas, c'était enfin, un segment. Enfin, ouais, vous devez mettre Elno Restaurant. Enfin, bref. De toute façon, il a perdu, donc c'est la réunion DX qui a gagné. Puis je pense quand même que j'ai Team Elno Restaurant, c'est celui qui a le plus marqué les gens, quand même, je pense, de tout leur truc. Hein. Bah oui, parce que ouais, moi, ça m'a plus marqué. Voilà. C'est les câlins, quoi. Ah ouais? Ouais, t'es très câlin, toi. T'as jamais vu de câlin, toi. T'es très très câlin, genre. T'es très sensible. Très câlin. Je suis un garçon très sensible. Ah, t'es pas la génération bisounours, ça se voit. D'ailleurs, il y a toujours pas tête d'IBSI. Je crois qu'il s'est blessé. Hein. Pardon. Pardon, j'ai créé un gros bide. Comment lancer après ça, je sais pas. Mais tiens, Renaud, vas-y, tu peux. Ah oui, la convention DX, voilà. Le spécialiste vintage. Ah ben, c'était. Bon, alors moi, j'ai voté pour le mariage de AJ et Daniel Bryan. Bon, c'est le truc qui n'a rien à voir. Le mec a eu 2 voix, t'as voté pour. Ouais, voilà. Il y a eu 2 voix, donc je ne sais pas qui est mon ami. Il a voté 2 fois, Renaud. Ouais, en fait, c'est moi, j'avoue, j'ai voté 2 fois. Non, mais bon, oui, pour la DX, c'était. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait un grand plaisir de revoir Billy Gunn. Et le Road Dog Jesse James revenir en DX. Et X-Pac aussi, il y avait X-Pac aussi qui était là. X-Pac qui a été dans les deux gros clans hein, des années 90, puisqu'il a été aussi dans la NWO à la grosse époque. Donc oui, ça m'a fait plaisir. Et puis Damien Sandow qui arrive. Et on montre encore l'importance de Damien Sandow malgré qu'il se fasse tuer par les membres de DX. C'est pas tous les jours qu'on coupe la DX et encore moins un Raw 1000. Donc ouais, ça m'a fait plaisir. Pour revenir sur X-Pac quand même, qu'est-ce qu'il a mal vieilli? Il a mal vieilli X-Pac, quoi. Et Road Dogg, ils ont 50 ans passés, les gars. Oui, puis. Il est capable de parler. Non, mais X-Pac, c'est pas McLean hein, dans la vie. Hein. C'est vraiment pas McLean. Hein. Voilà, loin de là. Donc, bon, déjà, ça aide pas aussi. Qui veut rajouter quelque chose? Vincent? T'es bien? Ouais. T'es bien, ça. Ouais. Encore Vincent, vas-y. D'ailleurs, X-Pac n'a pas 50 ans, mais 40. Hein. Ah, pardon. Tu déconnes. Ah, 10 ans de plus, hein. Non, il a 40 ans, X-Pac. Il était tout jeune, hein, les gars. Alors, les gars, vous savez quoi? Wikipédia, mon ami. Oui, on le sait, en fait. Ouais, je dirais 43, 44. Non, non, qui est en non, il a 48. Je pense qu'il a, il a 50 ans passé, les gars. Bah, il est arrivé quoi en 40 ans, il a pas 50 ans passé. Scott Olnash en 50 ans passé. Ah non, les chiffres de l'auto, c'est jusqu'à 49, donc maximum 49. 48, oui, il était tout jeune, ouais, c'est début. C'est vrai qu'il a peut-être même. Il est un mytho, hein, X-Pac. X-Pac a 40 ans. Putain. Il a déjà fait des tentatives de suicide et tout, le mec. C'est ouf. Lui, il avait déjà pris sa retraite. C'est qu'il a démarré très jeune, non? Mais oui, c'est ça, Bruce Lee. Il a démarré très très jeune. Quel âge il a pris sa retraite? Mais il l'a jamais pris. Enfin... Bah non, il a jamais rien pris, il faut le dire. Enfin... Ouais, il a jamais catché la Chicara cette année au King of Trio au printemps. Putain, il a fait un retour à la TNA Tour en 2010 et tout. Ouais. Bah, évidemment, il était avec Scott Hall. Il était avec Scott Hall, ça faisait un peu. Ça fait pitié à voir, hein, Scott Hall. Et comme dans la période starisation et tout ça. D'ailleurs, Scott Hall, on n'entend plus parler là. Scott Hall, il est en cure de yoga avec DDP là. Mais putain, oh, ça marche. Je le voyais pas si jeune. Et d'ailleurs, comme disait Renaud, il a fait plusieurs tentatives de suicide, dont une filmée avec Shaina. Oui, ça c'est pas, ouais, pas mal, Vince. C'est vrai que c'est une tentative de suicide de vouloir se taper Shaina. C'est pas faux. Le Kogan, il a fait. Ouais, mais c'était pas Shaina. Ah, c'était pas Shaina. Ah non. Ouais, c'est vrai que si on devait faire des pronostics nécrologiques entre Jeff Hardy, non, mais... Spack et Shaina, il y a quand même du lourd. Hein. C'est clair. D'ailleurs, j'ai vu sur le DVD qu'il faut vous faire gagner, il y a Jeff Hardy, je suis pas content. Ouais, en tout cas, c'est un concours qui a l'air de super bien marcher pour le moment. C'est vrai? Non. Ah, bon. Ça, je me suis dit, j'étais surpris, je me suis dit, il est super sérieux, mais non, c'est ok, bon, super. Il faudra refaire la publicité. Les autres segments, il y avait quoi d'autre déjà? J'ai un petit trou, des petits trous. Le mariage, Daniel Bryan. Oui, moi, je crois que j'ai voté le mariage, moi. Ah bah c'est toi le deuxième, alors tu vois, tu te moques de moi, tu dis que j'ai voté deux fois. Il est énorme lui. Attends, je vais vérifier. Si le forum veut bien fonctionner, parce que là, c'est la plus sur quoi il a voté. Ça c'est fort. Voilà, je crois que c'est sur mariage, je suis pas sûr. Après, il se fout de moi et il me dit que c'est lui. Bah ben ouais. MP, à toi. Bah moi, j'ai voté pour la position CM Punk Foley, parce que c'était quand même un segment intense. C'était un bon retour de Foley parce que quand même, on s'entend que les derniers retours de Foley, ils ont été un peu moyens, à part celui de Raw, j'ai quand même bien aimé son segment avec The Rock, mais qui a été revenu l'année dernière et tout, là, à l'été, en guest host et tout ça, c'était moyen. Là, je pense que c'est bien utilisé dans cette équipe-là, dans l'optique punk, du respect et tout, qui voulait pas se battre, donc... Je pense que c'était quand même bien utilisé, puis je pense que c'était un peu dans la période noire de Raw, donc c'est peut-être pour ça que ça a été moins voté, ou en tout cas, ça a été... en plus, c'était en milieu de show, donc plus difficile à se rappeler, mais ouais, c'est un peu la période un peu creuse d'année pour Raw, donc ouais, je pense que c'est pour ça que ça a été moins, un peu moins voté, je pense. Oui, mais au niveau du sérieux, je suis d'accord avec toi, hein. Le discours entre Foley et CM Punk, c'était très très bon. Mais d'ailleurs, j'ai voté pour ça, en fait. Hein. Ah, ben... Je suis allé vérifier, j'ai voté pour l'opposition de CM Punk et Micro. Bon, d'accord. Ouais. Voilà, vous aussi. Non, mais c'est bon, moi, j'avais déjà dit. Bon. Au tout début. Vous voulez... si, si. Vous voulez passer à la catégorie suivante, messieurs? C'est la prise de l'année. Parlons technique, la un peu. La prise de l'année, messieurs, c'est parti. Ah. Les nommés sont... Le Shell Shocked de Ryback sur Punk. Oui, j'ai dit le Shell Shocked. Oui, je sais. La France, monsieur, la France. La France. Ton favori, ça. Le Shell Shocked de Ryback sur CM Punk lors de LNSL sur la cage en vue LNSL. À toi, MP. Oui, on a trois nommés de LNSL. Donc, j'y vais avec le deuxième European Uppercut de Cesaro sur Justin Gabriel. Qui tentait, je crois, un dive à l'extérieur, il a capté dans les airs. C'est ça. Donc, oui, c'est impressionnant. C'est ça. Le RKO sur Dolph Ziggler à Night of Champions, qui était juste splendide. Et tu as aussi le White Noise de Sheamus sur Big Show. En fait, il l'a porté plusieurs fois, mais on a choisi celui de Nessel. Je crois que c'était le premier. Donc, pour le match, quoi, ouais. C'est ça. Et le vainqueur, messieurs, et on entend... La prise de l'année, messieurs. L'homme qui va repartir avec le Wessels Radio Awards, il n'est pas avec nous ce soir. C'est Randy Orton. pour RKO sur Dolph Ziggler, Night of Champions, avec 9 voix. On vous mettra une vidéo de ce RKO, vous verrez, il est juste extraordinaire. C'était la seule prise proposée qui n'était pas Elino Cell quand même. Oui, c'est vrai. Comme quoi, Elino Cell était vraiment pas bon jusqu'au bout. Il a rien gagné. Si, Elino Cell était très bon. C'est ironique, j'espère. Non, c'est vrai. C'était vraiment très bon. On a eu bien pire en pay-per-view. Hein. Mais c'est pas le débat. C'est le débat de la prise de l'année. Par contre, surprise, on peut avoir le shell shock en haut de la cage. En tant que nommé ? Oui, combien a fini le shell shock du haut de la cage ? C'est quand même assez rare et assez surprenant de voir un finish sur une haut d'une cage. Il y a combien de voix ? C'est pas tous les ans, ça doit pas être très long. 4 voix. 32 voix. Alors, je vais donc rappeler les voix. RKO sur Ziggler, 9 voix. Le White Nose, 5 voix. L'Hypercut, l'European Hypercut, 1 voix. Et donc, le Shell Shot, 4 voix. Voilà. Donc, dire de plus, hein, c'est mérité. Pour moi, j'avais fait le White Nose parce que c'est une nouvelle prise, là, un peu que Sheamus a rajouté, en quelque sorte, qu'il a développé. Il a rajouté ça en début d'année. Hein. Et le fait qu'il le porte sur le Big Show, c'était impressionnant. Donc à partir de là, c'est pour ça que je l'avais choisi. Et après, c'est vrai que le RKO, il est toujours spectaculaire selon à chaque fois. Il peut venir n'importe où, donc c'est ça son côté imprévisible qui le rend à chaque fois spectaculaire, en fait. C'est vrai que ce RKO sur Ziggler est quand même... L'adversaire, il met tellement de sien aussi, en Ziggler, forcément. C'est parce que sur le quarter, ça peut se porter de presque partout, quoi. Ziggler, c'est peut-être pour ma part, hein, c'est ce que je pense, le meilleur vendeur de prise actuellement de la WWE. Je suis d'accord avec toi. Et oui. Et en deuxième position, je dirais Dean Ambrose. Je dirais la même chose. Il vend vraiment les prises qu'il a vendues. Hein, il a vendu du rêve, lui, à TLC. Quand il s'écrase sur la chaise et qu'il ouvre sa bouche comme un con, c'était juste énorme. Je suis en train de refaire Dean Ambrose. Ouais, je croyais que t'étais constipé. Okay. Alors, comme dit Ben aussi, Daniel Bryan, c'est pas non plus un marché pour vendre les prises. Je crois quand même que Ziggler est vraiment au-dessus du lot. Ziggler et Ambrose, ils sont dans les prises, hein, comme Bryan. Ouais, Ziggler, c'est impressionnant. Bon, il n'y a pas l'autre avis sur la prise, sinon. L'RKO, je sais pas, j'allais te demander. MP, peut-être Moi, j'avais voté l'RKO aussi sur Ziggler, je pense. C'est vraiment plus impressionnant. Tu peux aller voir, j'ai mis. Je vais faire. Ouais. C'était assez inattendu quoi. C'est comme ça arrive en quelques secondes seulement, tu le vois pas venir. Tandis que je veux dire un shell shock, tu le vois venir, même si c'est impressionnant et tout. Je pense que j'ai vraiment juste voté pour l'instant précis que c'est arrivé quoi. Puis aussi l'exécution qui était quand même assez parfaite de Randy Orton là-dessus. Puis comme vous l'avez dit, Ziggler, c'est un vendeur incroyable, donc c'est un peu la combinaison de toutes ces choses. Pour moi, qui ont vraiment fait la différence. Parce que je parlais aussi de nommer Orton et Del Rio, mais on voyait dans l'exécution que c'était pas très bien. Donc, ouais. C'est surtout ça. C'est l'effet d'avoir vu cette prise-là au ralenti qui nous a fait voir en fait, que c'était pas terrible. Ouais, mais en fait, je pense que pour cette catégorie-là, c'est aussi important de voir qu'est-ce que ça donne au ralenti, l'exécution et tout. Ouais. Mais là, même au ralenti, c'était juste énorme. Ouais. Le RKO sur Ziggler, c'est moi. C'est pour ça que c'était mon vote. Sans rien enlever au uppercut de Cesaro qui est tout simplement incroyable. Puis aussi, il y a la variante, la fait sur Cali. Le springboard aussi, l'uppercut qui est quand même très bien aussi. Puis, ouais, franchement, il y avait quand même des très bons choix. Ah oui, de toute façon, Cesaro, vous n'avez pas encore tout vu niveau énorme prise. Hein, parce qu'il sait faire le Canadian Destroyer, ah oui. Par exemple. Alors, s'il le sort à WWE, waouh! Il ne sortira pas déjà Saturday Morning Slam. non, ça c'est sûr. Hein, t'en es sûr. Ça va nous rappeler les bons vieux jours de Petey Williams, c'est l'aîné qui sortait ce move-là. Eh oui, c'est comme César, c'est le faire aussi. Donc est-ce qu'il faut donner son avis sur le RKO? Non, j'ai pas donné, mais en fait, le RKO, je m'en rappelle pas et j'ai voté pour lui, donc c'est un petit peu problématique. Oula. Bah disons que c'est un mec sympa, le RKO est toujours sympa, donc t'as voté pour ça, voilà. Bah en gros, je crois que c'est ça, ouais. c'est un finish tellement visible qu'il peut sortir n'importe quand, donc... Bah c'est ça, parce qu'en gros, il peut sauter de la troisième corde et après prendre sa tête, donc je me suis dit ça pouvait être sympa. Mais non, vraiment, c'était un pif total, et puis voilà, quoi. Je suis désolé de ne pas m'en rappeler. Excusez-moi, je rigole, mais je viens de voir un message de Verpa sur Skype concernant Ryback. J'ai rien posté depuis au moins 3 minutes. Oui, mais j'ai juste deux fois. Il y en a qui remontent le chat là, donc. On cache rien aux auditeurs, c'est juste parce qu'au house show de Nantes, il y a une meuf qui criait Ryback. Vas-y, Ryback, vas-y, Ryback. Et avec Verpa, on n'en pouvait plus. Voilà. Je me demande comment elle a prononcé Sheamus, mais bon. Il y était pas là. Sheamus. Sheamus. Allez, c'est parti, messieurs. On va pouvoir passer à la catégorie suivante. C'est le. C'est Richard. Wrestler is back of the year. Retour de l'année, messieurs. C'est parti. Les nommés sont. Brock Lesnar. Chris Jericho. Boyman. Ric Flair. Red Dog. Et Mick Foley, qui est premier à être intronisé du Hall of Fame 2013. C'est ça, exactement. Et déjà, je peux dire que Mick Foley ne l'a pas remporté puisqu'il n'a eu aucune voix. Je suis assez déçu. Je suis déçu de ne pas avoir vu Foley avec au moins une voix. Quoi. Donc le vainqueur donc, du retour de l'année, bon, pas de pronostic, vous avez peut-être votre petite idée, messieurs. Bon, pour Lesnar, hein. Ouais, c'est ça, c'est Brock Lesnar qui l'a. Brock Lesnar avec 12 voix, Polyman 4, Chris Jericho 8, Road Dogg 1, Ric Flair 1 et Mick Foley 0 voix. Donc Brock Lesnar. Il a combien l'autre là, le gagnant 12. 12, putain. Jericho 8. Oui, c'est Jericho. S'il y avait quelqu'un qui votait Road Dogg, c'est vraiment que. Il y a quelqu'un qui a voté Road Dogg. Bah oui, c'est moi. C'était vraiment pour la vanne, je pense, en fait. Je sais pas. C'est Vincent. C'est moi. Vincent, voyons. En plus, c'est vrai, c'est celui que j'ai préféré. Tu vas voter Boogeyman aussi ? Non, c'était trop tard. Ou alors, comme l'a dit WWE, le retour de Jerry Lawler aussi. C'était sympa. Ouais, bien sûr. Non, mais perso pour la fin. Qui veut parler du retour de Brock Lesnar ? Peut-être Monsieur MP qui a kiffé Brock Lesnar dans ces deux matchs ? Non, mais pour moi, c'est... Ce qui manquait à Lesnar, ça va être la plus souvent. Quoi. En plus, ils l'ont fait perdre contre Cena. Donc, ouais, c'est un retour un peu... Moi, j'ai pas été surpris par la défaite de Lesnar sur Cena. Non, mais surtout que quand tu penses qu'ils ont fait perdre Cena toute l'année, quoi, pourquoi ils l'ont pas fait perdre contre Lesnar ? C'est complètement débile, quoi. Ils l'ont fait perdre contre le Rock dans le match le plus important de sa vie. Le mois d'avant, ils pouvaient pas le faire perdre derrière ouais. Contre Brock Lesnar. Non, mais en plus, Cena, il se prend la misère dans ce match. Donc, La gimmick de Cena cette année, c'est de faire le perdant, quoi. Pourquoi pas y aller jusqu'au bout en faisant perdre Lesnar ? Surtout que Lesnar, c'est son premier match de retour, donc pourquoi le faire perdre, donc. Le seul gros match que Cena a gagné cette année. Ouais. Mais d'ailleurs, je comprends pas pourquoi il a gagné, surtout quand on voit où ils s'en vont un peu avec ça. Donc. Et surtout si on parle de l'après-match, parce qu'il est parti, mais il est tellement parti longtemps qu'on l'a jamais vu en dehors des écrans. Il se rappelait qu'il avait dit limite il prend une pause. Oui, c'est ça qui est gênant, c'est que on dirait qu'il est revenu pour l'Afrique en gros. J'avais l'impression que c'était totalement improvisé ce discours à la fin en plus. Au news qu'on avait eu, je crois que McMahon n'était pas très heureux de. Oui, parce que Bruce Lee, on parlait de Cena qui disait je vais prendre une pause assez longue et tout ça. Hein. Et une semaine après, je suis de retour. Je suis de retour et il perd encore une année. Sina, de toute façon, dans ça, il est indispensable. Alors, à part je pense que c'était même le Raw du lendemain qui était là. Mais il était déjà là le Raw du lendemain. Ouais. D'ailleurs, ça nous avait choqué de le voir. Non, mais c'était peut-être le temps de régler le divorce avec sa femme et puis voilà. Puis d'aller se faire un truc avec les filles. Heureusement, le match était quand même très bon, donc ça a rattrapé. Le Sina Lesnar. Oui, il est quand même très bon. J'ai pas kiffé ce match-là. J'ai adoré, c'est un match spécial, parce que c'est un peu type MMA, un peu... C'est étonnant. Je me suis emmerdé, mais... Ah, j'ai adoré, c'était bien. Ce match-là, je me suis vraiment kiffé. Dédicaceur en base, au passage. Pourquoi ouais. Moi, je rejoins... Sylvain, parce qu'il a pas dit qu'il déteste mon casse-là. Ah oui, j'avais zappé. Ouais. Coucou, Sylvain. D'ailleurs, dans le même style... Je sais pas si je vais être le seul à faire la référence, mais je pense que Bruce Lee va pouvoir m'appuyer là-dessus. Mais le match à New Japan entre Nakamura et Sakuraba, quelque chose du genre. Sakuraba. Virtue qui est du c'est pareil. Sakuraba, tout récemment, c'est le même style presque. Ouais, mais en moins physique, évidemment. Ouais. Moi j'ai beaucoup aimé ce match-là. J'ai regardé le show complet. C'est un gros match, je trouve, avec le main event Okada contre Tanahashi. Ouais. Elle est sympa la digression, ma foi. Oui. Mais ouais, c'est pour faire le parallèle entre le match. C'est bien. Il y a que deux autres qui doivent comprendre ici, voire trois, mais c'est tout. On peut parler de Yoshitatsu si tu veux. Sakamoto est toujours là au passage. D'ailleurs, Sakamoto, ouais, qu'est-ce qu'ils en font? Parce que, ok, il a été apparu à NXT, mais bon, NXT. Il y a Sakamoto qui était appelé. Pardon. Ouais, par contre, il y avait des rumeurs qui parlaient de Kazuchika Okada à la WWE. Ouais, mais non, non, non, il a dit qu'il était sous contrat jusqu'en 2014. Donc non. Ouais, mais bon, des rumeurs quand tu vois par qui c'est relayé. On a rigolé pour la même chose, je crois. Parce qu'en début d'année, on aurait pu dire qu'il y allait avoir El Generico et pas que la WWE, sûrement pas. Ouais, non, mais là, franchement, Okada, c'est vraiment n'importe quoi. Parce que quand tu vois que quand il est passé par la TNA, le mec, il portait le sac à Samoa Joe, quoi. C'est limite ça. Là, il était dans le main event du plus gros show de l'année, quoi. Dans un main event fantastique, d'ailleurs. Que je recommande à tous. Un peu, puis c'est surtout que je vois pas ce qu'en ferait la WWE, alors que Yoshitatsu. C'est à peine s'il y a par un NXT. Bref, on revient à la catégorie. Ouais. Donc, on en était où, là, en fait? Retour de l'année. Je crois qu'on finissait au retour de l'année. Vous êtes parti à parler sur le Yin et le Yang et sur le Yamamoto qui a dérapé, puis on est parti sur sa carrière. Je pense qu'on allait passer au meilleur moment de l'année. Jingle. Ouais, ça fait une bonne transition, en tout cas. Oh, on va pas parler du retour de l'année, mais bon, c'est grave. Ben oui. Donc, Brock Lesnar, on y était. Sur les autres. Tu n'as pas parlé des Chinois, là. Non, mais tu faisais un parallèle et ça dérapait. Quoi. Oui, tout j'ai bon. Non, non, mais la digression était bonne. Ouais, c'est vrai que Jericho, t'as fait un flop, finalement. Ouais, c'est dommage. Ah, puis Ric Flair, à part son retour, il n'y a pas eu de suite, quoi, vraiment. À part le segment avec Mystique TV, là, tout pourri. Non, moi, c'est Jericho, moi, je trouve. Enfin, on a quand même tous bien marqué sur son retour, je trouve. Ouais. Bah oui, mais c'est après. C'est le reste qui est dans les actes. Mais... Après, oui, la suite n'a pas été excellente, mais après, je sais pas si on juge le retour sur le moment même ou sur. Ah oui, non, ça, je suis d'accord. Jusqu'au Rumble, ça a été très bon, ouais. C'est... Voilà, ouais. Parce que, l'idée, parce que sur le moment même, mais pour moi, c'est juste le meilleur retour de l'année. Quoi. Parce que Brock Lesnar, il arrive, il fait pas grand-chose. Parce que enfin, après, truc, ça dépend où vous mettez ça. Quoi. Si c'est vraiment sur le retour ou sur la suite aussi. Quoi. Moi, j'ai voté sur le retour d'un soir. Oui, moi aussi. En tant qu'ancien, de revoir Lesnar revenir, le lendemain de WrestleMania, en plus, c'était la folie totale. D'ailleurs, la foule, elle a explosé là, vraiment. Si vous revoyez la vidéo sur internet, c'est un truc de fou hein, quand la musique de Lesnar se fait entendre. Donc oui, moi j'ai voté sur le moment, sur le F5 de Lesnar sur Senna, ça m'a fait tellement du bien. Ah, j'ai kiffé. Oui, c'est un des grands moments de l'année, oui, c'est sûr. Moi j'ai voté, mais ben, pas dans le même optique. J'ai voté sur le long terme parce que Lesnar n'est pas là toute l'année, Jericho n'est pas là toute l'année. Moi je me suis dit, c'est qui le mec qui a plus fait un impact sur l'année au complet? Pour moi c'était Polyman. Son interaction avec Lesnar, son interaction... Oui, voilà. Ben, là, je suis d'accord parce que moi, j'avais voté pour lui, d'ailleurs. Donc. Ah, sur l'année complète, oui, complètement d'accord avec toi. Hein. Totalement d'accord. Oui, ben, là, moi aussi, ouais, parce que bon, c'est quand même un très grand manager, ouais, au passage. Hein. Et, je pense que le mec, il a rehaussé les deux mecs qui étaient avec. Quoi. C'est, parce que surtout Lesnar, on va se dire au micro, c'est pas super, donc... Bah oui. Non, mais déjà, il portait Lesnar lors de son run à l'époque. Donc. Lesnar est totalement dépendant pour les bonnes. Complètement, oui. Déjà ça va. Lesnar va devoir revenir là, pour le. Quand Lesnar va devoir revenir là, pour le retour WrestleMania, comme on a dit, il va revenir. Hein. Il a encore des dates, quoi. Non, donc, oui, il va revenir. Comment ils vont faire avec Punk et Heyman? Ouais, ben moi aussi, tu vois, c'est la question que je me pose justement. Vraiment. Parce que je vois pas Lesnar revenir et rien dire. Ça serait trop mal fait, cette histoire. C'est trop con, surtout. Oui. Surtout, je ne pas parler avec une décision justement à ce moment-là, ouais. Peut-être. Ouais. Pourquoi il pourrait pas j'ai envie de dire pourquoi il pourrait pas manager les deux. Ah non, la classe. Qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que c'est de grands égaux, donc forcément, de gros égaux, donc à partir de là. On verra bien comment ils vont faire, de toute façon. À moins qu'ils partent sur un... Est-ce que les plans peuvent changer? Est-ce que Punk peut affronter Kessna? Jusqu'à maintenant, les plans, c'était... Pour le moment, c'est Punk... Undertaker. Ouais. Mais ils vont pas faire, je ne pas faire de heal contre... Parce que Lesnar est heal. Non. Lesnar, il est prévu pour un autre match. Je ne sais plus contre qui, mais... Ouais, contre Triple H, hein, pour le match. Bah, je ne sais pas, avec l'histoire qu'il y a autour de He-Man et tout, qui managent entre guillemets les deux, bah, je ne sais pas, ça serait crédible de voir... CM Punk n'est pas prêt à redevenir face, donc... Non, moi, je suis d'accord avec ça, sur le truc. Mais pourtant, il serait bien mieux en face, ça. Je pense pas, moi. Je trouve qu'il fait une très bonne run en ce moment. Je pense que c'est ça que... Surtout quand on le voit face à The Rock, je pense que c'est l'ultime CM Punk, quoi, en heel. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais moi... Ah oui, oui, il faille se renouveler, effectivement. Il faille se renouveler, je veux dire, dans le sens où c'est sûr qu'il était... C'était monocorde, on va dire, durant son règne. Enfin, il est toujours champion, hein, mais c'est vrai qu'avec The Rock, là, ça renouvelle un petit peu. Ça donne des discours intéressants. Donc le mec en face, sa promo face à The Rock, c'est peut-être la meilleure promo depuis un an, quoi. Ouais, mais juste petite parenthèse sur ça, moi je trouve que Paul Heyman faudrait l'enlever, quoi. Il sert à rien. Ouais, il sert à porter la ceinture comme. Oui, c'est ça. Enfin, je trouve que ça. J'aimerais bien juste une confrontation CM Punk The Rock avec Paul Heyman en arrière, tu vois. Je sais pas, ça me gêne un peu. Paul Heyman ne joue pas les rôles dans les matchs au passage. Non, il joue pas les rôles, mais je trouve qu'il a pas besoin d'avoir Paul Heyman avec lui. Bon, ça c'est un autre débat, c'est sûr. Oui, c'est un autre débat. Je voulais juste faire une petite parenthèse. Ouais. Ouais. Est-ce que vous voulez passer à la suite, monsieur? Parce que bon, Heyman, tout ça. Oui. Franchement, j'en ai un peu marre. Mais c'est pas vous. Mettez la main devant la bouche. Prochain truc, et puis voilà. Ouais, on va pouvoir passer, monsieur, au Oh My God moment de l'année. Les nommés sont MP, commence. Kofi Kingston sauve sa peau pour un Rumble. Ryback envoie Seth Rollins en enfer lors de TLC. Et l'ensemble de John Cena contre Brock Lesnar et Extreme Rules, on a déjà parlé dans le podcast. Ouais. Et la performance de Santino Marella dans le Elimination Chamber, monsieur. C'est vrai que là, c'est plus des choses hyper surprenantes et marquantes visuellement. Ouais. Et le roulement de tambour, et je vais pouvoir vous annoncer qui a remporté cette awards. Ça a été très serré, c'est tout ce que je peux vous dire. Le vainqueur et la performance de Santino Marella dans l'Elimination Chamber qui l'emporte avec 7 voix. C'était très serré puisque Kofi Kingston, qui sauve sa peau au Rumble, ça a donné 6 voix. Ryback envoie Rollins en enfer à TLC, là également, ça a donné 6 voix. Et l'ensemble du Cena Lesnar, ça a aussi donné 6 voix. Oh oui, vachement serré, mais très surprenant pour ma part, le vainqueur. Très très surprenant. Ouais, moi aussi, hein, ça me surprend quand même. Parce qu'il y a quand même eu de gros trucs quand même. Mais bon, Cena contre Lesnar a déjà parlé, mais visuellement quand même, Kofi. Ryback qui envoie Seth Rollins valser à travers les tables comme ça, c'est... Ouais, mais sachant, enfin, moi je suis pas surpris parce que Santino dans le Elimination Chamber, déjà, c'est super original, on voit pas ça tous les jours, donc je pense que c'est ça qui a fait pencher la balance, même si moi personnellement j'avais voté pour Kofi Kingston. Oui, parce que moi, c'était vachement impressionnant. J'ai pas fait pour la perte de Santino. La perte de Kofi, c'était super, hein, ce qu'il a fait, ça c'est clair, mais ça m'a fait vraiment penser à du John Morrison dans le texte, quoi. C'est pour ça que j'ai pas voté pour ça. Après, moi, je te rejoins, Gus. C'est peut-être ça qui m'a été génial. Moi, j'ai hésité entre Santino et Kofi, de toute façon. Donc, pour moi, ils méritaient tous les deux. Enfin, ça me surprend pas pour Santino. Il avait vraiment fait une grosse perf et le public était vraiment à fond. Ça m'avait vraiment marqué. Donc, c'était vraiment très bien. Oui, mais en fait, moi, ce qui m'a pas fait le choisir, c'est que j'ai trouvé qu'il a pas eu un rôle hyper décisif dans le match, paradoxalement. Il a fait un gros. Ouais, il a sorti Barrett, c'est voilà, quand même. Pas décisif, mais qui aurait imaginé voir un match comme ça de Santino et dans l'Elimination Chamber? Mais non, mais déjà, quand on a vu l'affiche, hein, rappelez-vous le contexte, les gars. On est avant le Chamber. Quand on voit la première affiche donc du Chamber de SmackDown, déjà, Santino, il n'y était pas. Il a gagné une bataille royale, hein, pour y aller. Je ne sais plus qui c'est qui devait y être à la base. Orton. Orton, t'es sûr? Orton, ouais. Ouais, je crois que c'était Orton. Ouais, il s'est blessé. Orton s'était blessé. ils font une... Juste avant le chamber, hein, et deux jours avant le chamber, ils font une bataille royale où ils font gagner Santino. On était tous sur le cul, pourquoi lui, quoi. Et je me souviens, on tirait vraiment tous la gueule, on était, oh, mais pourquoi, ah, surtout, pourquoi surtout à côté avec Big Show et God Kali, quoi, enfin... Heureusement, ils ont pas foutu Kali, hein. Si, il y avait Kali au Elimination Chamber. Bah oui. Ah putain, en plus, oui, il y avait Kali, ouais. Et oui. Comme quoi, et oui. On peut sortir pour match avec... Éliminé après une minute vert, ouais. Ouais. Kali. Non, mais... non, mais Santino, contre... Santino, ça fait deux années de suite qu'on lui fait un peu en début d'année. L'année dernière, si je me trompe pas, il était finaliste du Rumble, en fait. Ouais. Ouais, mais là, c'était... Bon, c'était beaucoup moins... Oui, c'était oui. Finaliste du Rumble comme Bob Buckland l'avait été oui. En 93. Parce que je vous rappelle que Buckland était resté... pendant une heure, pendant près d'une heure sous le ring, comme pour se cacher, au final il perdait le Rumble, quoi. C'était ça qui là-dessus ça a joué forcément. C'est ce qu'a fait Santino. Mm. Putain, j'ai sorti un truc de 93. Bah, mais tu parles de Bob Backlund, c'est bien ça? Ouais. Ouais. Oui. Tu veux que je parle de qui? Non, non. Non, mais c'est vrai, t'es surprenant, toi, à parler de trucs. Ouais, mais c'était le premier Vintage Collection que j'avais eu, donc c'est pour ça que je me rappelle. Ah d'accord. Juste à parler de Rumble, vous savez que moi les Rumble, j'adore ça. Il y a un truc qu'on n'a pas beaucoup parlé dans cette catégorie-là, c'était le Cena, Lesnar. On a un peu parlé dans le podcast, mais... Moi j'avais voté pour ça, pour le sang et tout, vraiment, c'était... C'était assez impressionnant, ce match-là en live. Les snarks qui se cassent presque la nuque au moment du match. Quand il passe par sa troisième corde, quoi. Donc, ouais. C'était en live, là, c'était assez divertissant et assez what the fuck. Pour moi, le what the fuck, c'était Santino qui éliminait Wade Barrett, quoi. Bon, sinon, d'autres avis Non, enfin... Peut-être Ryback en Rollins à vous en faire là. C'était wow. Ça m'a fait peur, ça. Ça m'a fait très peur pour Rollins. Ouais. Ah oui, c'est plutôt ça en fait. Terrible. Mais il atterrit en plein milieu des tables comme ça. Ouais. Mais c'était voulu de toute façon. Bah oui, mais même quand c'est voulu, c'est comme Ricardo Rodriguez quelques mois plus tôt, quoi. Non, une année plus tôt, qui était. Ah putain, il tombe de deux, je crois qu'il. Il tombe sur deux ou trois échelles, lui. Deux ou trois tables. Non, il tombe de l'échelle sur la table. Hein. Oui, mais la table, elle est extérieure. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Mais au bord du ringside. Il y en a qu'une. Je promets qu'il n'y en a qu'une. Non, je ne suis pas sûr. C'est le fait que c'était vraiment contre la barrière, en fait. Donc, ouais. J'ai envie de dire, imaginez que Ryback aurait blessé cette Rollins. Imaginez la conséquence sur la carrière de Rollins, quand même. Ouais. Déjà, c'est la première apparition à la fin, alors qu'il n'a même pas commencé. Et ça, c'est les risques. Oh. Et oui. C'est les risques du métier, de toute façon. Ils avaient décidé de mettre la gomme à fond en ce match, donc voilà. Ouais. C'est là qu'on peut reparler d'un gars comme Jesse Sorensen à la TNA. Quoi. Oh putain, lui, sa carrière brisée. Ah oh, bah lui, direct. Voilà, pour le coup, oui, il a mangé, oui. Mais je me rappelle que c'était mon seul live de la TNA que j'ai fait de l'année. Le seul. Eh bien, oui, il a meurfé le gamin. J'ai eu peur pour lui. C'est Zimayon qui le blesse. Et puis Zimayon, derrière, fait une très bonne année par rapport à ce qu'on pouvait en attendre de lui. Donc, comme quoi, tout est possible sur pas grand-chose. C'est clair. Ça, j'y aurai un pack Wessels aussi. Oui, ça sortira dans les... On les heures pour voir la journée suivante, la sortie de ce numéro. Est-ce que vous voulez passer, messieurs, la catégorie suivante, qui est la progression de l'année? Ouais, trop cool. Oui, super. Allez, donc c'est parti, messieurs, pour la progression de l'année. C'est parti, messieurs. Daniel Bryan. Je regarde un petit peu. Ils sont les nommés. Les nommés, donc, sont Dolph Ziggler. Daniel Bryan. Ryback. AJ. Heath Slater. Et Sin Cara. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru voir Sin Cara dans la progression d'année? C'est surtout pour son qu'il est là pour son amélioration dans le monde sans trop de botchins cette année. Ah, Sin Cara. Enfin, on en parle. L'éternel débat. Sinka. Bah maintenant il n'y a plus de débat parce qu'il est bon. Oui, c'est vrai. Et surtout, Monsieur, roulement de tambour pour annoncer le vainqueur. Vainqueur de la progression d'année. L'homme qui remporte donc le Dress Strange Award 2012 et bah, c'est pas une surprise, hein, c'est Dolph Ziggler, messieurs, avec 12 voix. Heath Slater a quand même récolté une petite voix. Daniel Bryan, 6 voix. Edge, 1. Ryback, 2 voix. Et Sin Cara, aucune. Comment ça se fait? Heath Slater, j'assume, c'est moi. Ah, je pense taper. Bah non, mais bon, il a quand même. Bon, mais c'est surtout sur la fin de l'année qu'il a qu'il s'est un petit peu plus révélé. Mais bon, disons qu'il a fait son taf. Et, sa feud avec les légendes m'ont vachement aidé. Voilà. Oui, ça il a été exposé. Ouais. Voilà. Puis après, il a bien fait ce qu'il avait à faire. Puis il est bon dans ses promos. Donc à partir de là, pour ça, moi, j'ai trouvé que c'était un peu conscient. Oui, il restera un loser toute sa carrière. Bon, t'as été gentil quand même, on va dire. Un peu, oui. Là où on peut être sûr, c'est qu'il restera un loser toute sa carrière, malheureusement. Oh. Ah, ça, on va voir, hein. Il y en a qui sont dans les fois, qui ont commencé, on s'attendait pas du tout. Franchement, je vois plutôt Heath Slater rester plus un loser. Hein. Moi, je dis qu'il peut aller jouer une petite intercontinentale au moins, ce mec. Non. Ouais, non, attends, tu donnes le titre intercontinental à Slater, le titre il est fini, tu peux supprimer. Non, mais je compte en année. Marella a eu le titre, je te signale. Hein? Le titre. Santino Marella a eu le titre. Pas pareil, Santino il a du talent. Ouais, mais là, Slater aussi il a du talent, là, en leader de son groupe, franchement. Ça peut le faire, moi je serais pas du tout surpris. Puis je compte en année, bien sûr. Je dis pas que demain, Heath Slater est champion intercontinental. Heureusement, s'il bat le bas. Il y a des gars qu'on a vu démarrer, qu'on s'attendait pas du tout à ce qu'ils aient une carrière comme ça. Hein. Comme la carrière qu'ils ont eu derrière. Pour certains, moi, ouais, j'attends de voir pour Heath Slater. Maintenant, c'est clair que le choix de Brusty, bon, il est gentil. Il est gentil. Ouais. Donc on va parler de Dolph Ziggler. Je rappelle que Dolph Ziggler a remporté donc cette catégorie avec 12 voix. Oui, non, mais après, bon, je reviens, oui, voilà. Pardon, c'est vrai que j'avais commencé à prendre la parole. Donc. mais c'est oui, bon, effectivement, bon, c'est j'aurais aussi voté pour Ziggler, effectivement, parce que c'est l'année de ses succès quand même. Il a souvent été celui qui était placé, mais jamais gagnant. Ça commençait d'ailleurs au début d'année quand il perdait contre Punk au Rumble. Mais ensuite, c'est vrai qu'il envoie Chris Jericho, on va dire entre guillemets, à la retraite. Et puis il gagne Money in the Bank, il bat John Cena. Donc c'est vrai que c'est une année où de semi-année charnière pour Ziggler. Pour la voilà, cette année, l'année dernière, il a eu. Il est attendu pour 2013 le titre. Ah ben là, oui, c'est sûr. Non, il en a mis quand même du temps pour s'en sortir. Hein. Parce que depuis les deux SummerSlam où il avait fait de très bonnes impressions. Il a 32 ans, effectivement. Donc, il va quand même assez lentement. Donc, sur ce plan-là, il a plutôt une démarche à la Cesaro plutôt que Ryback. Ouais, mais Cesaro, à mon avis, il aura. Du coup, pourquoi tu parles de Ryback et de. Ah, au niveau de la progression, regarde, Ziggler, il va quand même extrêmement lentement. Il monte un tout petit peu, mais ça vient pas de nulle part. Mais non, au niveau de la rapidité, je pense, de la progression. Il était déjà là il y a 7 ans. Parce que Ryback a été poussé très rapidement. C'est pour ça que... Ziggler était déjà là il y a 8 ans, les gars, je vous rappelle. Dans la... Ouais, non, mais... Oui, mais ce qui a changé, ça c'est que... plus, ça. Oui, mais non, cette année, s'il a le soutien du public maintenant contre Cena, c'était crié, hein, donc... Mais il pense à ça le déclic, à mon... ouais. Il pensera à le faire tourner. Bah pourquoi moi pas. Je dis que ça va se faire. Moi je dis que ça va se faire. Ils ont été attentifs aux réactions du public, donc ouais, pourquoi pas. Ouais, oui, mais il faudra penser avec des heels aussi, parce que là, ils font tourner tout le monde. The Miz, Del Rio, et s'il y a Orton va tourner. Oui, mais ça, tout le monde s'en doute. Ça, tout le monde s'en doute. Il faudrait peut-être penser à faire un nouveau heel, quoi. Ouais, mais là, le problème, c'est que je vois pas qui, quoi. Bah, il y a The Shield qui m'ont fait. Mais un des arrivants de NXT, peut-être, je sais pas qui, il n'y a pas vraiment quelqu'un de gros là en ce moment. Dean Ambrose ou Biggie Langston hein, pour l'instant. Non, non, là, non, NXT, il n'y a pas grand monde là qui va arriver. Il y a peut-être Léo Kruger. Il a un thème d'entrée sympa d'ailleurs. Oui, Cassius Ohno aussi, admettons, mais je veux dire. C'est assez clinquant quoi. Langston, mais c'est oublié. Il y a Mark Henry, c'est vrai. Langston, il a des pectoraux quoi qui sont pires que les poitrines de Diva. Il est plus gros sein que Edge. Langston, il a la tête de Patrice Evra. Langston, il a surtout la tête. Le visage. Vous savez pourquoi Patrice Evra, c'est un peu trop. Vous savez pourquoi Langston, ça marchera pas, les gars? Dis-nous. Parce que Shelton Benjamin va revenir? Non. Non, parce qu'il a la même tête que Jackson. Quand il est revenu, j'ai cru que c'était Bigzik, moi. Oh là, il avait pris des anabolisants, disons. On ne sait pas ce qui va devenir, mais il est pas loin de la charrette. Hein. Tant mieux. Ah ouais, avec les Mason Ryan, ils vont se battre pour être le premier viré. C'est vrai qu'en ce moment, là, il y a la charrette. Biggie Jackson, c'est un avenir à la Jackson, hein, je te le dis de suite. Il fera rien. Ah, mais ça, j'ai d'accord. Mais je suis d'accord. Oui. Il y a des qui ont vu son impact au début, qui ont cru qu'il allait aller loin, mais le mec, il rame depuis 4 ans à la FCW, enfin, qui est maintenant NXT. Il a que. Le mec, c'est à quoi il sert aujourd'hui? C'est à quoi il sert actuellement à l'actuel WWE? Il est là, il croise les bras, il est comme ça. Il sert qu'à ça? Il sert à rien? Et le pire, c'est que Sébastien l'aime bien. Ah, mais Sébastien, voilà. Il est pas horrible. Hein. Sébastien, il habite à Strasbourg, c'est comme je pense. Non, mais après, sur une impression sans connaître trop Langston, on peut l'apprécier sur le coup, après sur la longueur. Franchement, non, c'est le Ryback noir en plus. Alors j'adore Ryback, mais faut pas abuser. Oh non, Gus, ah oui, d'accord. Oh là là. Ah, j'ai attendu. C'est Ryback. C'est Ryback, c'est ça. Ah ouais, c'est sinon. Oui, tout d'accord sur Ziggler. Hein. Oui, tout d'accord sur Ziggler. Ah oh, oui, complètement. Oui, Vincent, t'as rien à dire, c'est bon. Non, moi je vais voter AJ parce que je trouve que Ziggler. Ah, c'est toi? C'est ouais. Toi? Ouais, c'est moi. Parce que je trouve que. Vas-y, MP. Ben, moi j'avais voté Bryan parce que c'est lui plus constant sur l'année, quoi. Plus. Parce que Ziggler, c'est surtout à la fin de l'année, quoi, qu'il est. C'est du Strike Cena et tout. Tandis que. Oui, mais on parle ça, de la progression par rapport à l'année. Non, mais sur la progression, Ziggler, si vous regardez les matchs qu'il fait en pay-per-view et tout, malgré des défaites, c'est vrai. Il affronte quand même des main eventers. Si au Rumble, il est quand même face à Cena. Excusez-moi, face à CM Punk, je veux dire. New Yard, il avait remplacé Del Rio, de souvenir, pour le titre. Pour affronter Sheamus, pour le titre. Il gagne le Money in the Bank. Il a affronté aussi Randy Orton à Night of Champions. Il a gagné Cena à TLC. Et non, franchement. Oui, Jericho aussi. Non, mais quand tu regardes qu'est-ce qui s'est passé aussi avec Bryan, il quoi, avait gagné le sur mec. Aussi, hein. Oui, oui, en plus, il a gagné dans le match par équipe. C'est ça. Survivor Series aussi, bien sûr. Je veux dire, Bryan, il avait le titre l'année dernière, mais c'est vraiment révélé comme un grand champion, quoi. Le mec, arrête, non, sans, par contre, là, je vais te contredire. Là, par contre, je vais te contredire. Son règne pour le World Heavyweight Championship, je suis désolé, il était énorme. Voilà, aïe, aïe, aïe. Là, on repart sur le début de l'année. Son règne, il n'était pas bon. Moi, je trouve que la progression de Bryan, elle est moins flagrante, MP, en fait. C'est ça, le truc, par rapport à Ziggler. Règne de Bryan, je l'ai pas aimé. C'est moi, le règne de Bryan, ça coïncide avec la fin de SmackDown. Bah, SmackDown, c'était pas très bon pendant le règne de Bryan. C'était son premier règne. Là, je suis sûr que si maintenant, il gagne un titre, je suis sûr qu'il sera beaucoup mieux. En même temps, on lui proposait rien à Bryan à cette époque-là. Pas grand-chose d'intéressant. Voilà. Non, on revient si sur un vieux des bagus qu'on a parlé pendant. Oui, minutes on va éviter. Écoutez les numéros 21, 22, 23. C'est ça. Je crois que c'était 18, genre, mais on a parlé pendant ça, je pense, pendant une demi-heure. Donc, on reviendra pas. Non, on reviendra pas là-dessus. Allez, c'est parti, messieurs. On va pouvoir passer au match de l'année. C'est parti. MP les nommés. Son. Est-ce que j'y vais? Ouais, mais vas-y, du coup, ouais, vas-y. C'est important quand John Cena, Night of Champions. The Shield et Ryback. Non, The Shield, pardon, contre Ryback et Team Elno à TLC. The Undertaker contre Triple H à WrestleMania 28. The End of an Era. Daniel Bryan contre Sheamus à Extreme Rules. Notre match de pay-per-view avec Chris Jericho contre CM Punk, Extreme Rules. Et donc Daniel Bryan, CM Punk à Over the Meat. Et le vainqueur est, vous l'entendrez, messieurs. The Undertaker versus Triple H, The End of an Era, avec 16 voix, messieurs. Loin derrière, arrive The Shield contre Ryback et Team Endo avec 6 voix. CM Punk Cena, une voix. Bryan Sheamus, une voix. Daniel Bryan Punk, 0 voix. Jericho Punk, une voix. C'est quand même l'année de Punk dans le ring. Hein. On reste sur 6 nommés. 6 nommés et il y a 3 matchs avec Punk. Hein. Bah, c'est normal. Ça prouve. Il a une défense victorieuse qu'il a fait. Il a affronté tout le monde et pratiquement. Ouais, ça prouve. Je m'attendais quand même à ce que Daniel Bryan Punk ait quand même au moins une voix. Au moins une voix. Mais non. Ah ouais, mais, alors, ben, moi j'ai incroyable. Hésité, mais Daniel Bryan Sheamus, évidemment. Évidemment, c'était la revanche, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Oui, voilà, on a parlé. C'est quand même deux classiques techniques, on peut s'entendre là-dessus. Oui, voilà. Deux matchs d'excellente qualité. Ah, ça a frôlé 5 étoiles, oui. Ça a gratté même. Hein. Mm. Bah, il y a eu 30 minutes à WWE de cet état. Moi, cette année, j'ai deux motifs. Vas-y. Bon, l'Undertaker, Triple H, j'ai deux, oui, forcément. J'ai pas voté pour ça. J'ai voté pour The Shield versus Ryback et Team Elno, parce que personne ne s'attendait à un match pareil. Quoi. Franchement, bon, c'est un match 5 étoiles, hein, pour ma part. Et qu'il y ait ton favori dedans. Aussi. Non, pas forcément ça. Bon, combien de voix déjà pour ce match-là? 6 seulement. 6, pas... d'accord. Mais bon, t'as Punk. J'ai mon PC qui a bégayé. T'as le. Comment il s'appelle? Le Taker Triple H qui arrive loin devant avec 16 voix. Donc... Il y a toute une histoire derrière ce match. Voilà, c'est ça, c'est les gens. C'est ça, c'est l'endroit aussi, bon, c'est WrestleMania. Ça n'avait rien, voilà, la qualité du match qui était juste exceptionnelle. Le Shield contre Ryback et Team Elno, je veux dire, l'histoire, t'es faite en deux semaines, donc tu peux pas comparer, quoi. Je veux dire, pour moi, un match est carrément meilleur histoire derrière et tout, qu'une raison pourquoi les mecs se battent. Donc, je veux dire, Undertaker, Triple H, il n'y a rien qui se compare, je trouve, en termes d'histoire cette année. Entre ces deux-là, quoi. C'est un classique instantané, 5 étoiles facilement. Donc. L'apport de Shawn Michaels en référé aussi. Ouais. Et oui. Mais il a ajouté combo, bien sûr. Le combo pedigree Switching Music, quoi. Magique. Magnifique, ouais. Yeah. Les attitudes aussi, dans les regards et tout, Michaels qui était à bout, c'est... Ah ouais, c'est magnifique, ouais, vraiment, ils ont raconté une histoire, voilà. Voilà le parfait exemple du match. J'ai quand même hésité à voter pour un de ces deux matchs. Hein. Moi, j'ai voté The Shield, Ryback et Team Elno pour la Sticu. Ah oui, c'est un souvenir frais, et puis ouais, oui, déjà, un match, oui. Hein, c'est sûr. Non, oui, et puis non, ouais, c'est pas non plus surprenant de voter ce match-là, hein. Ça c'est clair. Kertuple H, voilà, c'était Kertuple H. Rien à dire là-dessus. Vincent. Bah moi je dirais que 5 de ces 6 matchs ont été commentés dans Instant Cash. Donc elle est sur Dailymotion. C'est lequel que tu as pas commenté? C'est lequel qui n'est pas commenté? C'est Jericho contre Punk. Ah. Sinon tous les autres ils sont. Ah. Et bah ouais, on peut pas moi, tout faire. Déçois, hein. Vincent. Je voulais regarder ce match là. Verpa est toujours là. Verpa s'est barré. Ah bon, mais on a perdu les Nantais dans la. Dans et puis, et oui. Les Nantais sont partis au nid, voilà. Ça. Les Canaries sont partis dans le nid, c'est ça. Enfin bref. Bon, ben, on va pouvoir passer à la dernière catégorie. C'est... La superstar de l'année, messieurs. Ah, attention. Suspense. Énorme suspense. Alors, la superstar de l'année, les nommés sont. Daniel Bryan. CM Punk. John Cena. Sheamus. Big Show. Et. Dolph Ziggler. Et le vainqueur de la superstar de l'année, messieurs, je vais en roulement de tambour. Sauf s'il est déjà, je ne sais pas, on verra ça. Best in the world. Non. Surprise, la superstar de l'année est Gus. Alors merci d'avoir voté pour moi. J'ai vraiment kiffé. Non, je déconne. Non, je déconne, c'est CM Punk. Porté avec juste 18 voix, mais rien de plus. C'est pas volé, c'est normal. CM Punk l'emporte donc avec 18 voix. J'ai beaucoup de mal avec le mot 8 voix. Daniel Bryan arrive loin derrière avec 3 voix. John Cena, lui, a eu 5 voix. Et quant au trio Sheamus, Big Show, Ziggler, aucune voix. J'espère que la petite vanne sur le Gus Superstar de l'année vous a plu. Moi je comprends pas les 5 voix pour John Cena, mais bon. Mais pareil, on dirait que c'est des gens qui ont voté Arrow. c'est étonnant parce que c'est vrai que Cena il a quand même eu une année de merde au niveau des résultats. Il a perdu tous ses gros matchs, donc à partir de là. C'est la pire année de John Cena depuis qu'il est main eventer. Ouais, complètement, hein. Bah, il a été roulé dans la farine par The Rock, complètement laminé. C'est la pire année de John Cena. Ah oui. Bon, après, ça doit Cena, être vote sur l'application. On reste sur la radio, quoi, c'est ça. C'est ça. Non, mais il n'y a rien à dire, Punk. il a fait l'année sur voilà, une année complète de règne, c'est une rareté à la WWE actuelle, donc respect. Jericho, Ziggler, Brian, Kane, ouais, la liste est longue. Cena, tout ça sera mis cette année. Tout sera mis. L'époque est carrément tenu le fort pendant que. Je suis en train de me poser la question si son règne va pas s'arrêter. T'as dit quoi, Auguste? Pardon. Je suis en train de me poser la question si son règne va pas s'arrêter au Rumble. Non, non, non. Elimination Chamber. Ça semble se dérouler vers. Ça semble aller jusqu'à Elimination Chamber. Je sais pas. C'était les plans dans les dernières rumeurs. Qu'il le perde à une chamber, mais bon. On verra. Bon, sa 20e défense, ça serait. Parce que là, il a défendu 18 fois victorieusement. 19e au Rumble, c'est des chiffres ahurissants. C'est hallucinant, ça c'est clair. Et combien de fois main event? Ça, c'est dommage, là, mais... Pas beaucoup, hein. Jusqu'à l'été, c'était... Le plus noir dans la 20e jamais. Place, jamais en main event jusqu'à l'été, ça c'est... Et c'est à partir du moment où il est devenu heel qu'il est en main event. Ouais, à partir de sa fête. Moi, le truc à Money in the Bank qui m'a tué, c'est que tu mets le Money in the Bank en Money Event, quoi. Ça, j'ai toujours pas compris pourquoi on a fait ça. Parce que Cena. Mettre le Money in the Bank en Money Event, quand t'avais Daniel Bryan contre CM Punk. D'ailleurs, c'était le pire Money in the Bank de l'histoire. Hein, c'est le pire Money in the Bank de l'histoire, je suis d'accord avec toi, MP, sur ce que tu dis. Moi, je pense qu'à chaque fois, dans ces histoires de stipulation, ils veulent tellement séparer les styles de match sur la soirée qu'ils en mettent un... en opener, puis en main event. Mais bon, moi je suis d'accord avec toi. Hein. Si un punk contre Daniel Bryan en main event, ça aurait été super. Et oui, et puis ça met toujours l'incertitude. On ne sait jamais si un mec va cacher la mallette. En plus, ouais, ça, ouais, exactement. Ça va finir comme ça. Bon, après, voilà. Ouais, John Cena, c'était son succès. Et le pire, c'est qu'il a été seul de l'histoire à perdre le cash. Donc, quand on dit que l'année de Cena, ça n'a pas été une belle année. Mais franchement, je m'en doutais, moi, quand il a pris la mallette. J'étais sûr et certain que Cena allait perdre son cash, quoi. Il y a toute une année quand même, il y en a jusqu'à juillet. Non, mais il y avait que lui pour perdre sa mallette, quoi. Oui, il y avait que lui, oui, c'est sûr. Parce qu'il n'en a pas besoin, en fait, il n'en a jamais c'est exactement besoin. Ça. Il n'en a pas besoin. Il ne sera pas tant décrédibilisé que ça en perdant sa mallette, John Cena, par rapport à un gars, à un nouveau, par exemple. Ou lui, ça peut lui faire mal, mais John Cena, derrière, il peut rebondir. Ouais. Il peut avoir des main events. Voilà. Par exemple, ouais, The Miz, là, c'était géré à fond. Ziggler, pareil, donc... C'est ça, Bruce, exactement, ouais. Cena est un loser toute l'année, il va rebondir. Donc. Oui, il perd sa mallette, quoi. Oui, oui. Je veux dire, ça va être sûrement l'exemple de. C'est le seul mec qui a perdu sa mallette, oh, ça peut arriver, donc voilà. Je pense que c'est ça que ça va faire, justement. Ouais. Mais on n'a pas beaucoup parlé de Sheamus, quand même, qui a eu une grosse année, selon moi, parce qu'il était constant SmackDown. Solide. CM Punk, il a réussi son année, oui. Et son règne, c'est pareil que Daniel Bryan. Mais en fait, son règne n'était pas terrible. Ah, je suis pas d'accord. Hein. Il a toujours fourni. Je sais pas, je m'ennuie. Quoi. Enfin, je parle pas de ses matchs. Je parle de la. Mais c'est pas la faute de Bryan ou de Sheamus. Si les règnes sont pas bons, c'est la faute des feux qui sont vraiment mauvaises. Quoi. Mais en même temps, Sheamus, il est censé être. Non, mais Sheamus, il est censé être champion de SmackDown. Mais regarde ce qu'il fait à SmackDown. Il est plus souvent à Raw qu'à SmackDown. Donc forcément. Puis Booker T, il est pas non plus super. Super créatif à SmackDown, quoi. Mais ah oui, pour moi d'ailleurs, c'est Booker T qui a gâché la rivalité avec Big Show. Booker T, c'est pas un Booker, hein, les gars, c'est un mec qui travaille pour la WWE. Voilà, attends, le mec avec Alberto Del Rio, ah bah je veux dire, Brock King. Vous avez remarqué, Booker T, c'est pas un Booker. Non, mais le mec, il bannit le Brock King et puis après il le remet en place. C'est un détail, ça. Écoute, c'est pas lui qui décide de ça, c'est des storylines, écoute, c'est comme ça. C'était marrant, toi. Si en plus mais après, c'est les rôles qu'il y joue dedans. C'est voilà comment il joue. Si on commence à devenir un bonhomme, parce que ce qu'on lui dit de faire, c'est pas bon. Mais non, c'est pas lui qu'il faut s'en prendre, c'est au Booker. Non, mais Booker T, il joue le rôle de ce qu'on lui. Oui. Voilà, il dit ce qu'on lui écrit. Bon, après, c'est lui qui a ce rôle-là à la télévision, donc faut bien qu'on parle aussi de Booker T dans l'affaire. Mais moi, chez Muse, je le place juste en dessous de CM Punk, hein, sur cette année-là. Je veux dire, s'il n'y aurait pas eu CM Punk qui avait cette année de fou furieux, là. Oui. Et puis surtout, si CM Punk n'avait pas eu une petite série de matchs vainqueurs contre Sheamus, ouais, c'est sûr. Ouais, en plus, ouais, voilà. Ça fait la petite différence, ouais. Ça fait la petite différence, parce que Sheamus, franchement, il a été constant, il est toujours propre dans le ring, il a mis Big Show en avant. Alors, ça faisait des années que... Oui, vas-y, Broussi. Oui, voilà, mais justement, t'en parles, oui, très bien, le Big Show, ouais, bah c'est peut-être aussi le fait qu'à la fin, Sheamus, cleanement, se soit incliné contre Big Show qui lui a fait aussi perdre la distance, à mon avis. Ouais. Ouais. Mais après, c'est vrai que contre le Big Show, il est toujours très très dur à matcher, il a fait deux matchs d'excellente facture. D'ailleurs, Del Rio aussi, pour avoir son titré contre Big Show, ouais, donc ça montre la race des bons matcheurs. Big Show, c'est son début d'année, je pense. Parce que son début d'année, avec Cody, c'est pas si mal, mais après ça, il y a eu son turn, like Cena, main event de No Way Out. Non, c'est super. Over the Limit. Non, Over the Limit, c'était le Night Cena. Match en cage. Ah, ouais. Over the Limit, c'est contre le Night Cena. Ouais, mais c'est moyen de s'entendre. C'est ça. Ah oui. Bon, après, juste perso pour conclure, là, bah, en gros, là, quand on voit tous les nominés superstars, le vainqueur et tout, ça, c'était l'année qui a consacré les matcheurs, les purs matcheurs, quoi, ceux qui font les matchs en qualité in-ring. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Mais écoutez, messieurs. Je pense qu'on a... Ben oui, c'est ce que j'allais dire. On a bouclé la boucle, comme on dit. Vous avez eu donc le palmarès des Wrestles Radio. J'aimerais remercier infiniment tous les membres de notre partenaire la Wrestling Evolution League qui ont contribué à ce que ces awards se passent bien. On remercie pour leur vote et j'espère qu'on fera encore ça l'année prochaine. Donc on verra si on propose encore quelque chose en partenariat avec la WEI. Peut-être même, pourquoi pas, durant l'année, faudra peut-être voir. De quoi peut-on parler du questionnaire, messieurs, du grand jeu concours que nous avons lancé? Ah oui, effectivement, c'est lancé par Tifo. Oui. Tifo qui fait gagner si gentiment le DVD sur les meilleurs superstars. C'est un Blu-ray, non? Oui, c'est un Blu-ray, ouais, effectivement, il faut le rappeler. Alors, c'est un DVD Blu-ray, messieurs, et qui fait donc remporter. C'est les plus grandes superstars du 21e siècle à la WWE. Alors, pour participer, c'est tout simple, c'est sur Facebook, en nous envoyant un MP, c'est très facile. Il faudra répondre à 5 questions. Alors, les questions sont pour les votes. C'est ici. Voilà. Les questions. Donc, la première question, c'est qui est le comique de la bande de Wrestles Radio? Ça commence par un B, ça finit par un N. Quelle est la particularité de MP? MP, ça va? Bon, si vous voulez un petit indice, MP parle comme ça. Il parle comme ça, les Indiens. La diva favorite de Tifo, soit vous l'entendrez quelque part, vous l'avez déjà entendu plein de fois tous les podcasts. Hein, soit... Ah, Xana, d'accord. Une chanson d'Eric Clapton pour les connaisseurs. Là. Oula, c'est velu ça. Ça dit que t'as. Quel âge? Got me your money, lady. Ok, c'est bon. Okay. Arrête-toi. Quel âge avons-nous fêté cette année? Il y a deux fois le chiffre en question, en 2012. Et citez donc au moins un invité que nous avons reçu lors des différentes émissions. On s'en vous dira rien. Hein, Sylvain? Sylvain G. Oh non. T'as sorti pas Sylvain G. Et NordBRF aussi, par exemple. NordBRF, ouais, effectivement. Ou MC aussi. Ouais. Ou un certain CV, curriculum vitae. Pardon. Excusez-moi. Et voilà, messieurs, donc nos... La liste des partenaires a été donnée. Oui, ben, la WEI, la VoxCatch également. La WEI, donc Twitter, Facebook. InstantCatch. InstantCatch. Ouais. Ah oui, qui propose d'ailleurs deux numéros vintage dernièrement. Ah, sur la de WCW. Le Kazoo, l'album de Ben, au Kazoo. Oh, bah évidemment, oui, venez le télécharger et puis l'acheter dans tous les meilleurs bacs. C'est gratuit. Plus pour très longtemps quand même, faut pas déconner. Ouais, attendez, abusez donc. Faut reverser les royalties aux créateurs quand même. Ça, faut gagner des sous. Écoutez, nos Twitter maintenant, messieurs. Donc, Bruce, c'est toujours Finland. Oui. MP, c'est toujours WR Maxime Poulain. Vincent, c'est Wacho Vincent. Super. Vincent Wacho. C'est ça, Wacho Vincent? Ouais. Oh, la classe. Renaud, c'est Malenko06. Oui, c'est ça. Moi, c'est Sparta tiré du 8 Gus. Nos amis Tifo, c'est El Tifo, je crois, toujours. Ou, Oui, El tiré du 8 ouais. Tifo. Verpadoro, c'est Verpadoro 44. Verpadoro, oui. Je sais. Sébastien Ricalewis 67. Ouais. Ben Messier. Et voilà. Hors base. Et à leur base. Kevin Coloc. Et voilà, messieurs. Donc, te suivez-nous, followez-nous sur Twitter. On vous mangera pas. Hein, followez-nous, suivez-nous et aimez-nous sur Facebook, s'il vous plaît. Et s'il vous plaît. Hein. N'hésitez pas à donner des avis, effectivement. Oui. Donnez des avis sur Facebook. Voilà. Voilà, voilà, messieurs. Voilà, c'est fini. La li la li la li la li la la la. Et inscrivez-vous sur les... Ah oui. Ah bah oui, c'est la liste. Après, on se moque de moi pour Eric Clapton. C'est clair, d'un des plus importants. Et oui. Inscrivez-vous sur WordSense. On vous accueille. Ah oui. Grand plaisir. Sur oui, il y a un super admin en plus. Ça. Il s'appelle Gus. Il n'y a même pas mon nom, mec. Bon, on se voit tout à l'heure, oui. Bon, pardon. Excusez-moi, j'ai pas envie de prendre un avertissement, monsieur. Je ne vous connaissais pas. Je ne connais pas Gus, d'ailleurs. Qui c'est? Allez, c'est parti, on va pouvoir donc lancer le thème des Oscars que vous avez pu entendre en début de podcast. Et on va pouvoir se quitter là-dessus. Allez, ciao tout le monde. Salut.